Voilà, donc j'ai parlé hyper vite parce que j'avais plein de choses à dire. Je suis bien content d'avoir encore 10 minutes plus tard pour terminer parce que j'ai encore pas mal de choses à ajouter. Je serais vraiment très très heureux d'écouter vos différentes contributions et d'y réagir aussi. Et voilà, j'espère que le concept de podcast Frankenstein vous plaira. Moi, personnellement, je suis très enthousiaste. Et donc, voilà, je vous attends pour la suite. Ciao. Salut, moi c'est Mathieu, je fais du jeu de rôle maintenant depuis plus de 20 ans et je publie mes pratiques et les jeux qui me plaisent le plus sur un blog qui s'appelle c'estpasdujeuderole.fr. Donc je vais vous parler de mon rapport avec les Actual Play. Je suis un gros consommateur d'Actual Play sous toutes les formes, principalement en français, que ce soit des enregistrements de parties brutes ou des enregistrements de parties montées. Les Actual Play, donc la question c'est comment les Actual Play transforment le jeu de rôle. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils transforment le jeu de rôle, en tout cas moi je sais comment est-ce qu'ils transforment ma pratique au jeu de rôle. Parce qu'auparavant, pour moi le jeu de rôle était avant tout une activité active qui nécessitait effectivement de se déplacer quelque part ou de jouer en ligne avec des joueurs pour kiffer l'activité jeu de rôle. Et aujourd'hui moi je retrouve exactement le même genre de plaisir en écoutant des Actual Play. Moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui comble un manque dans ma pratique de jeu de rôle. Le fait de découvrir des nouveaux jeux, le fait de découvrir des façons de jouer au jeu de rôle, tout ça, c'est des choses que m'apportent les Actual Play. Alors, quand est-ce que j'écoute les Actual Play de jeu de rôle? Et bien, principalement pendant mon temps libre, comme un peu pas mal de podcasts que je consomme également en grand nombre sur Internet. J'écoute des Actual Play en faisant le ménage, en faisant du jardinage, en faisant la vaisselle, en cuisinant, avec mon casque et mon smartphone. J'en écoute également plus calme, plus au calme le soir, pendant que je fais d'autres activités en parallèle, principalement pour travailler. Donc pour moi, les Actual Play en jeu de rôle, le principal intérêt, c'est de découvrir de nouveaux jeux. Un jeu va sortir. Et je vois les critiques sur Internet et avant de me poser la question de est-ce que je vais m'intéresser à ce jeu, est-ce que je vais l'acheter, je vais essayer de voir si je peux trouver des Actual Play, si possible en français, ou sinon je ferai en anglais, mais pour cela il me faut beaucoup plus de concentration pour suivre le flow des joueurs et des joueuses. Donc je regarde s'il existe un Actual Play en français pour ce jeu et je vais écouter pour me faire un premier avis. Alors toujours en gardant un regard critique sur la façon dont les joueurs vont pratiquer ce jeu, parce que les pratiques en jeu de rôle sont très diverses, et qu'il y a de fortes chances que ma pratique du jeu de rôle soit différente de la tienne, ou de celle de l'équipe qui enregistre l'actuel play. Mais en tout cas, ça me permet de faire une bonne idée de ce que peut être une partie réalisée avec ce jeu. Permet de voir si les mécaniques sont simples, si les gens prennent du plaisir avec, si le type d'histoire qu'on raconte avec ce jeu de rôle correspond bien à ce qui est marqué sur la boîte du jeu tel qu'on me l'a vendu. Voilà, c'est pour moi le principal intérêt. Deuxième intérêt, ça va être également de pouvoir identifier des façons de mener des jeux de rôle ou de jouer à des jeux de rôle différentes de la mienne. On trouve aujourd'hui des créateurs d'actual play qui ont des positionnements forts. Par exemple, j'ai déjà cité 2D6 plus cool. Volsung a une façon de jouer les jeux de rôle comme au cinéma ou comme dans tes séries télé. Donc, ça implique forcément plein de petits outils, de petites routines de jeu et de narration qui sont très sympathiques, comme par exemple jouer avec la caméra, jouer avec des musiques d'ambiance qui sont diffusées ou qui sont suggérées pendant la partie, etc., etc., et monter une partie de jeu de rôle comme on montrait des scènes dans un film. Enfin, je dirais pour moi, il y a un troisième intérêt des Actual Play, c'est souvent en fait les Actual Play que je récupère sont des parties enregistrées par des copains. Et ça me permet en fait de réécouter des amis, des gens que j'aime bien suivre, parce que j'aime beaucoup la façon dont ils jouent, j'aime beaucoup la façon dont ils s'amusent autour d'un jeu, j'aime bien leur façon d'improviser, j'aime bien leur façon de faire ce qu'on appelle avec des gros guillemets du roleplay. Et du coup, voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir suivre ces gens-là au travers des actuels plays. Pour en revenir à la question initiale, donc comment les actual plays transforment le jeu de rôle? Je dirais pour moi que du coup, les actual plays, c'est vraiment devenu une extension de ma pratique du jeu de rôle. Avant, je me contentais de faire un peu de jeu de rôle. Bon, c'est pas vrai parce que des fois, je fais des. Il m'est arrivé dans les moments où je suis un peu fast de faire une à deux parties de jeu de rôle par semaine, mais là, par exemple, en ce moment, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Donc, je me nourris d'actual plays. Et de la même façon que je vais acheter beaucoup de jeux, acheter beaucoup de règles pour pouvoir les lire et pour trouver ce plaisir également du jeu de rôle en dehors des parties, et ben je vais également me nourrir des actual plays que je vais trouver. Et voilà, donc je suis assidûment toutes les certaines sites de publication d'actual plays pour écouter au fil de l'eau leurs différentes publications. La dernière en date, c'était par exemple avec le dernier jeu publié par Julien Poire, Tour de Garde, toujours sur 2D6 plus cool, et qui m'a effectivement conforté dans le fait que le jeu était très bon. J'ai pu du coup me procurer la version PDF du jeu, qui m'a confirmé tout ce que j'avais entendu dans l'actuel play, donc je sais que ce jeu, Tour de Garde, fera partie des prochains jeux de rôle que je proposerai à mes amis. Et ben merci beaucoup à Thomas pour cette proposition de participation à ce premier podcast Frankenstein autour des actuel play. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Merci. Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Guillaume, dit Zenek. Et donc, je veux participer à ce questionnement autour des actual play. Pour la simple et bonne raison que, voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis rôliste. Depuis mon adolescence, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai toujours été très attiré en fait par tout ce qui est réflexion autour du jeu de rôle. En fait, c'est arrivé lorsque, à l'époque, je travaillais en librairie et je suis tombé sur un livre d'Olivier Caïra, Jeu de rôle, les forges de la fiction, et ça a été une révélation, une découverte. Donc, ce livre résumait un peu son travail universitaire autour du jeu. Et ça m'a permis de découvrir voilà l'univers, le méta-jeu, le méta-langage, toute cette réflexion autour de bien des sujets qui du coup ne me quittent pas vraiment. Alors j'ai continué à jouer pendant longtemps, avec quelques coupures évidemment. Là je reprends avec une vie de famille trépidante. Et voilà, donc les actual plays. Alors moi j'appelle pas ça comme ça à l'origine, pour moi c'est des podcasts. C'est des vidéos sur YouTube, bon. Alors, actual play, ok, je me mets au nouveau vocabulaire. Mais, ça. Il y en a de plus en plus. On va fleurir des parties partout, sur le net, sur Twitch. Enfin, c'est assez impressionnant. Et autant au début, j'écoutais pas mal de podcasts, de La Cellule notamment, autant j'ai quand même, je l'avoue, énormément de mal à regarder des vidéos déjà, surtout ça en fait. Encore les podcasts, ça passe plus facilement pour moi. Et j'ai d'autant plus de mal quand ce n'est pas monté. Alors pourquoi? C'est bête, hein, mais lorsque ce n'est pas monté, on n'échappe pas aux tics de langage, aux approximations, on n'échappe pas aux errances du discours, et du coup, c'est vrai que c'est autant de pierres d'achoppement à mon oreille qui sont parfois rédhibitoires. Alors c'est bête, hein, mais ça peut même aller dans le détail, c'est-à-dire que le détail d'un son qui est différent d'un joueur à l'autre, parce que techniquement sa prise de son est différente, et c'est dur pour moi. C'est bête, mais c'est dur. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que je persévère et que je peux pas m'empêcher de suivre un maximum toute l'actualité, tout ce qui sort. Je m'abonne à des chaînes, je commence à regarder des trucs, je zappe parce que j'ai du mal, je reviens, je persiste, et bon, moi en tout cas ça répond vraiment à quelque chose que je cherche, c'est le renouveau, déjà, renouveau des pratiques, parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle à papa, et j'ai des copains qui sont très, très à l'ancienne, mais très classique en fait. On va pas dire à l'ancienne, ça va être classique dans la manière de faire du jeu de rôle. Alors forcément, il y a un MJ, forcément, voilà, des jets des cachets, des jets pour tout, des jets pour ci, enfin c'est bon. Et forcément, dans mes pérégrinations, j'ai découvert d'autres choses. Je me suis intéressé à des jeux plus simples, des jeux plus narratifs, évidemment. Et voilà, j'essaie d'un maximum découvrir. Et finalement, c'est assez récemment que j'ai pu aller plus loin, en fait, dans tout ça, dans toute cette réflexion. En découvrant de nouveaux podcasts, de nouveaux Actual Play et tout, via des gens comme Mathieu B, qui est très présent sur certains groupes et qui m'a filé des liens que je n'oublierai pas, mais comme plein de gens, en fait, voilà, je suis incroyablement médusé de voir les jeux de Batronoban, c'est juste hallucinant pour moi, tout ce qui est de l'ordre de mantra, chevalerie et sodomie et tout, ça m'a paru fou quand j'ai vu l'affiche, donc voilà, moi je veux voir, je veux écouter des choses comme ça. Je veux, c'est un besoin, je sais pas. Et voilà aussi des expérimentations autour de Millevaux, tout ce que publie Thomas Meunier, qui a lancé ce mouvement. Donc voilà, je suis. Alors moi, traditionnellement, je préfère les comptes rendus écrits, mais je vous promets que je ferai l'effort d'aller plus loin pour participer dignement à ce questionnement autour des Actual Play. En tout cas, voilà, c'est moi la recherche de l'originalité, du renouveau, de sortir vraiment de ma zone de confort, parce que j'ai envie de prendre des claques, en fait. Faire du jeu de rôle pour regarder La Petite Vision dans la Prairie, c'est pas... Je préfère voir un bon film qui dérange. Alors du coup, pareil pour le jeu de rôle, je préfère un bon jeu de rôle qui me dérange, en fait. Qui me remue quelque part. Où que ce soit, hein, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais j'ai de plus en plus de mal à me contenter du jeu de rôle basique. Alors voilà, je cherche même des petites idées, hein, de renouveau dans la mise en scène, hein, de la musique, des sons, manière d'amener les choses aux joueurs. Alors tout ça, c'est autant de sources passionnantes pour agrémenter ce que je fais moi. Alors, je suis plus souvent MJ que PJ. Habituellement, j'ai la chance en ce moment de jouer quand même pas mal. Mais voilà, donc j'espère avoir participé à un bon auteur à cette initiative et j'ai hâte d'en voir la suite. Bonjour, je suis Silmenas, je suis un passionné de jeux de rôle depuis quelques années à présent. J'y joue principalement comme MJ et dès que je le peux, comme PJ. Les podcasts d'Actual Play que j'écoute sont principalement sous la forme audio, parce que pour moi c'est un format beaucoup plus pratique au quotidien pour pouvoir les écouter. Et les durées que j'affectionne sont de l'ordre de 30 à 60 minutes, comme ça je peux les écouter en fait en une seule fois. Comment les Actual Play transforment-ils la pratique du jeu de rôle ? Je pense que ça permet pour certains de découvrir le jeu de rôle sans y participer, sans être contraint d'imaginer une situation alors que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude. Si je peux faire une analogie, c'est comme regarder une exhibition sportive dans un forum des associations. On découvre un sport qu'on ne connaît pas sans se faire mal, juste en regardant et en se faisant une idée. Je pense aussi que cela permet de promouvoir des jeux de rôle de façon différente. Ça permet en fait de voir comment le jeu fonctionne, quel type d'histoire il permet de raconter. J'ai notamment en tête le financement participatif de la traduction de Monster of the Week. Durant cette campagne de financement, Volsung nous a montré quel type d'histoire on pouvait raconter avec Monster of the Week. Et je pense que pour certains, ça a aidé en fait à soutenir cette campagne de financement. Dans mon cas, j'aime aussi écouter des podcasts d'Actual Play pour plusieurs choses. D'abord pour les histoires qu'ils sont racontées. Ça me rappelle un peu les feuilletons radiophoniques que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et j'adore m'asseoir dans un fauteuil et écouter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une bonne histoire racontée à plusieurs. J'aime aussi les podcasts d'Actual Play pour m'inspirer des idées d'improvisation. Comment les MJ plongent les joueurs dans une situation in medias res, comment ils rebondissent sur un échec ou sur une idée saugrenue des joueurs. Bref, je me gave de toutes ces idées-là pour les ressortir après dans mes parties. J'aime bien aussi écouter les podcasts d'Actual Play pour trouver des applications de théories rôlistes que j'ai lues sur Internet. Ça me permet en fait de mettre un cas concret sur des théories rôlistes que je peux lire. L'atomistique de Thomas Munier, la GNS, comment décrire un personnage, comment incarner un PNJ. Tout ce genre d'articles que je lis par moment, qui reste assez flou tant que je n'ai pas vu un exemple concret. Voilà, c'était ma contribution pour ce podcast Frankenstein. Je remercie Thomas Munier de cette idée et il me tarde d'écouter les autres podcasteurs. Bonjour à tous, ici Guillaume du site homoludis.fr. J'enregistre cette intervention dans le cadre du podcast Frankenstein de Thomas Munier pour l'Outsider. Le sujet de cet épisode est le suivant, comment les actual play transforment le jeu de rôle. Alors je vais commencer par éclaircir quelque chose dès le début, je n'aime pas les actual play. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, à mon sens, il est impossible, ou alors plutôt ça n'a pas de sens d'être public de jeu de rôle. J'avais écrit un article sur le sujet il y a quelques temps, le principal souci était la barrière de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est impossible de se projeter dans une histoire de jeu de rôle quand on n'est pas directement impliqué dedans. Ou du moins c'est extrêmement compliqué. De plus, le jeu de rôle est par définition un loisir participatif. Du coup, si vous ne participez pas, par définition, vous ne jouez pas. L'intérêt me paraissait donc limité. L'autre souci était le fait d'assister, pendant une longue période, parfois plusieurs heures, à simplement 6 personnes qui discutent autour d'une table. Alors, bien sûr, quand on est impliqué dedans, on ne voit pas ça. On est dans une aventure, on vit cette aventure, et on ne voit pas la partie où on est simplement des personnes assises autour d'une table en train de discuter. Simplement pour un élément extérieur, ça peut ne pas être passionnant de voir 5-6 personnes en train de discuter autour d'une table. Ensuite, j'ai tenté de regarder plusieurs actual play, notamment peut-être le plus connu, Aventure du joueur du grenier. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu refroidi dès le début, c'est-à-dire que sur le premier épisode de la première saison, dans la première scène, les personnages se réveillent à côté d'une elfe endormie. La première phrase prononcée a été « Bon, qui prend le cul ?» J'avoue, j'ai été un peu refroidi. Et voilà, donc ça m'a un petit peu refroidi pour le fait de regarder des actual plays modernes. Et globalement, en fait, quand je regarde un actual play, j'ai la sensation d'aller chez un ami qui vous invite à jouer à la PlayStation ou à la Nintendo ou que sais-je encore, et qui ne fait que jouer lui, et vous ne faites que regarder. Pire encore, vous ne pouvez même pas commenter vraiment. Je trouve ça vraiment indispensable. Alors, je reconnais, surtout dans le cas d'Aventure, et sur d'autres aussi, hein, qu'il y a une vraie notion d'entertainment. Notamment, il y a un bel habillage, les parties sont condensées, relativement brèves, ce qui permet de garder l'attention. Et en plus, la personnalité des participants permet de garder l'attention du spectateur. Parce que, par exemple, dans le cas d'Aventure, on a des personnages un petit peu hauts en couleur, et ça permet de créer une complicité avec le public et de pouvoir regarder ça. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, qu'apportent les actual play au jeu de rôle ? À la marge, moi, je vais noter deux choses que je trouve vraiment intéressantes. Tout d'abord, la réduction du format des parties. La plupart des parties de jeu de rôle sont très longues, voire sont trop longues. 7, 8, 10 heures de jeu parfois. Personnellement, c'est une horreur. Je trouve ça trop long. La concentration et l'efficacité du groupe se diluent dans le temps. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis partisan de parties courtes. 4 heures en moyenne, à la limite de 8 heures, en deux sessions de 4 heures séparées par au moins une heure de repos. Ce qui permet de garder une attention et une efficacité optimale. Il m'arrive, moi souvent, lorsque je vais en convention, d'être le premier à finir quand j'anime des parties, simplement parce que je préfère une partie courte et intense, courte et concentrée, plutôt qu'une partie trop longue dans laquelle on dilue l'attention. L'avantage des actual play, c'est que pour rester dans un format podcast, il faut tenir dans environ 2 heures. C'est-à-dire que plus long, ça pose de vrais problèmes d'écoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps ou la possibilité d'écouter une émission qui dure 3, 4, 5 heures. Ça devient compliqué. Mais aussi, ça pose des problèmes d'hébergement. Imaginez un fichier vidéo de 5 heures à uploader quelque part, ou un fichier son à uploader de quelque part qui dure 5 heures, ça devient compliqué. Du coup, ça amène à un deuxième point que je trouve intéressant, c'est la dynamisation des parties. Donc c'est dans le même esprit, une partie plus courte, destinée à être écoutée, doit être plus dynamique pour garder l'attention du public. Du coup, exit les parties un peu monotones, il faut donner de soi. On a forcément de l'ambiance, du tac au tac, des blagues, alors, dans la mesure du raisonnable, et des choses comme ça que je trouve, moi, hyper intéressantes. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que je privilégie aussi dans mes parties. Donc, comme je disais, des parties courtes et intenses. Il faut privilégier toujours l'intensité à la durée. Il vaut mieux une partie qui finisse en apothéose une heure avant tout le monde, plutôt qu'une partie qui va finir à l'heure où l'assaut doit fermer, ou à l'heure où tout le monde doit rentrer prendre son dernier métro, et on termine ça rapidement en disant « Bon, bon voilà, écoute, là, ça y est, t'as tué l'orque, vous avez fini. » Là où deux des cinq joueurs dorment sur la table, le dernier cuve sa bière, un autre regarde son téléphone, il n'y a plus qu'une seule personne qui joue. Ça, c'est dommage. Donc du coup, les actual play vont apporter ce dynamisme-là. Une partie va être plus efficace comme ça, et je trouve que c'est une bonne chose, et ça, je trouve que ça commence à se ressentir. Légèrement, quand je suis en convention, quand je suis à droite à gauche, je vois cette nouvelle dynamique. Ensuite, il y a ce que je trouve vraiment capital et passionnant dans les actual play, mais si je n'aime pas ça, il y a un truc que je ne peux que saluer et encourager, c'est la promotion du jeu de rôle. Le jeu de rôle, soyons clairs, n'a plus besoin d'être défendu. C'est aussi l'avis de Dico Zaedre sur leur chaîne YouTube. Merci de ne plus défendre le jeu de rôle. Par contre, le jeu de rôle a besoin d'être promu. Et ça, c'est hyper important. Et pour ça, on peut dire merci les actual play. Aventure en tête, bien sûr, mais d'autres. J'aime beaucoup ce que fait Globtopus, par exemple, qui est très sympa. Mais aussi les versions plus light, ce que certains vont dire que ce n'est pas du jeu de rôle. Par exemple, ce que fait Fabien Olicard sur sa chaîne, où il invite des gens sur des parties qui sont assez courtes. Alors je vous avoue que je n'ai pas regardé encore, il ne le fait que depuis récemment. Lui en plus, c'est un mentaliste à la base, il ne fait pas de jeu de rôle. Et voilà, donc il fait une partie de 15 ou 20 minutes, et ça a l'air plutôt intéressant. Poisson Fécond, le youtubeur de vulgarisation, avait fait un petit peu la même chose aussi il y a quelques années, et c'était plutôt assez intéressant, puisqu'en plus lui, il apportait une vision jeu de rôle en entreprise. Donc les actual play, surtout ceux avec un format très entertainment, sont une porte ouverte sur le jeu de rôle. Et c'est un excellent moyen de faire venir des nouveaux pratiquants. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'ils font pas tout à fait du jeu de rôle, que c'est forcément un peu différent. Et c'est vrai. Mais je vais prendre un exemple, je vais faire un parallèle avec le rugby. Si demain vous commencez le rugby, vous n'allez pas commencer en jouant à 15 avec toutes les règles que vous voyez quand vous regardez un match de rugby à la télé. Vous allez commencer en jouant, par exemple, ce qu'on appelle au touch rugby, ou en commençant au rugby à 7, ou à des choses comme ça, qui sont moins risquées, dont les règles sont plus simples, et qui vous permettront comme ça d'acquérir des bases, qui, une fois que vous les maîtriserez, en fait, vous allez en faire le tour, et vous allez vous dire, je veux aller plus loin, et c'est là où vous allez arriver dans la pratique traditionnelle du jeu de rôle. Et alors voilà, donc c'est une porte, une fenêtre, sur un monde de jeu de rôle qui parfois est un petit peu fermé, parce que, voilà, il est compliqué de dire à quelqu'un qui aimerait faire du jeu de rôle, bah écoute, viens à ma table, on vient dans un appartement que tu ne connais pas, avec 5-6 personnes que tu ne connais pas, faire un jeu que tu ne connais pas, pendant 7-8 heures. Ça, c'est clairement rebutant. Donc, avec les conventions, les actual play sont des bons moyens de promotion du jeu de rôle. De mettre un pied là-dedans, dans un système simple, efficace et divertissant. D'autant que je trouve que quand le jeu de rôle est bien mis en scène, ça contribue à faire sortir le jeu de rôle de son image de loisir de chambre poussiéreuse, pour l'amener vers quelque chose de plus sympathique. Sympathique dans le sens qui donne envie de faire partie d'eux. Pas dans le sens simplement, c'est des petits poneys, c'est sympa. Non, ça donne envie de faire plaisir, enfin de rejoindre ce loisir. Enfin, si on parle de game design, moi je vois deux choses. Du côté des éditeurs, à part Sans Détour, qui est en train d'éditer un jeu adapté d'aventure, je vois assez peu de mouvements qui montreraient une vraie prise en compte du phénomène des actual play. Peut-être que ça viendra dans le temps, parce que le temps éditorial n'est pas le temps des joueurs. Ça peut aussi venir de la confiance des éditeurs dans les joueurs et dans leur jeu, pour s'adapter à cette plateforme-là. Surtout quand un système de jeu est souple et adaptable. Par exemple, je trouve qu'on voit beaucoup de systèmes Cthulhu ou de systèmes très simples dans l'aventure, on voit pas ou peu de Donjons et Dragons ou de Shadowrun qui ont des systèmes plus compliqués, plus lourds et du coup moins adaptables au divertissement comme ça. Donc c'est peut-être là-dessus que ça va se travailler. Côté amateur, ou du moins des producteurs d'actual play, pour en avoir discuté avec certains, notamment les copains de Grimoire et Tentacule, la prise en compte est plus présente. Les gens qui écrivent les scénarios pour les actual play ou qui préparent leur setup, prennent en compte les contraintes du média, notamment tout ce qui est durée et divertissement, qui vont être adaptés pour faire un live play intéressant. Donc voilà ce que je pense que les actual play peuvent apporter au jeu de rôle. C'est principalement une promotion et une nouvelle approche sur un nouveau média. Et je trouve ça plutôt intéressant, même si moi, personnellement, je n'en regarde quasiment pas, et je ne suis pas particulièrement fan du principe. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, et à bientôt sur homoludis.fr. Bonjour tout le monde, moi c'est Felondra et j'anime entre autres le blog Une pincée de Fel. Tout d'abord, je voulais remercier Thomas Munier pour son initiative de ses podcasts Frankenstein, parce que je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Maintenant, reste à voir comment ça se réalisera. Mais en tout cas, merci à lui d'avoir pensé à ça et de faire les démarches pour rassembler les contributions, les mixer ensemble, etc. C'est vraiment chouette. Donc pour ce premier podcast Frankenstein, la question que nous pose Thomas, c'est celle des actual plays. Alors pour commencer, je vais parler de ce que je connais, parce qu'en fait, moi, j'ai un peu du mal avec les actual plays. C'est-à-dire que souvent, quand les actual plays ne sont pas montés, je décroche. Parce que il y a tous ces silences, il y a tous ces moments justement d'hésitation, de reprise, les petites blagues sur le côté, les moments de blanc où on s'attend, on ne sait pas trop qui va parler, etc. Et tout ça, pour moi, ça plombe le rythme d'une partie. Et quand on la vit, c'est pas du tout gênant, mais quand on l'écoute a posteriori de l'extérieur, enfin, moi en tout cas, j'y arrive pas. Donc, l'essentiel de ce que j'écoute comme actual play, c'est 2D6 plus cool. Et d'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog, et j'ai aussi fait une interview de Volsung, le gars qui tient 2D6 plus cool. Et je parlerai donc surtout à partir de là, vu que c'est l'essentiel de ce que j'ai écouté. Tout d'abord, pour moi, les actual plays, ça permet de populariser et de rendre visible une pratique qui est la pratique du jeu en ligne. Quand moi j'ai commencé le jeu de rôle et pendant des années, j'ai considéré que le jeu en ligne, c'était vraiment un pis-aller, que c'était une solution de repli pour des gens qui n'avaient pas accès à du jeu en vrai, à du jeu à table, physique, ou dans des clubs, ou avec des amis ou autre. Et en fait, écouter des actual plays, ça a contribué à conscientiser chez moi le fait que le jeu de rôle en ligne, c'était une pratique en soi, qui avait ses propres codes, qui avait ses comportements qu'elle encourageait et ses comportements qu'elle décourageait, et qui en fait était assez complémentaire du jeu en physique. Depuis que j'ai découvert les actual plays, je me suis mis moi-même au jeu en ligne, notamment parce que ça me permettait de jouer avec des gens qui habitent à des centaines de kilomètres de chez moi et donc avec qui je ne pourrais pas jouer autrement, en tout cas pas sur une base régulière. Et si j'avais pas entendu les actual plays, je pense que j'aurais dit « bon, c'est dommage, mais je m'y mettrai pas parce que ça m'attire pas ». Et en fait, ça me plaît. C'est vraiment une manière de faire du jeu de rôle que je pratique de plus en plus et qui m'apporte beaucoup de choses, que ne m'apporte pas le jeu en table physique, notamment au niveau de l'intensité des émotions ressenties, etc. Donc voilà, pour moi, les actual plays, ça permet de rendre visible le jeu de rôle en ligne, et aussi plusieurs pratiques autour de ce jeu de rôle en ligne. Hein, par exemple, sur 2D6 plus cool, Volsung revendique une esthétique très série télé, très cinématographique. Il parle souvent d'angles de caméra, de ce que le public pourrait penser de la scène qui est en train de se jouer, du budget qu'on pourrait éventuellement allouer à d'autres épisodes de la série. Et ça, c'est des choses auxquelles j'aurais pas pensé avant. J'avais déjà joué à un jeu de rôle qui vraiment voulait émuler une esthétique série télé, c'est une création personnelle d'un ami, mais il poussait pas le curseur aussi loin. Et même si moi, maintenant, je ne le fais toujours pas autant que Volsung, parce que j'ai besoin de m'immerger dans ce qui se passe, et que le fait de parler d'angle de caméra, etc., en fait, ça me sort de ce que je suis en train de raconter et de ce qu'on est en train de vivre à table, eh ben, je sais que ça existe. Et ça m'a quand même fait réfléchir à certains points, ça a modifié une certaine pratique que j'avais du jeu de rôle, et donc c'est hyper intéressant. Et je pense que si j'avais le courage d'écouter des actual plays non montés, eh ben je découvrirais d'autres manières de faire, d'autres pratiques, et que ça me nourrirait encore. Donc je pense que l'actual play, ça permet de changer le jeu de rôle, dans le sens que ça permet de rendre visible plusieurs pratiques du jeu de rôle, plusieurs manières de faire, et que ça peut permettre de tisser des liens entre des communautés séparées. On a souvent l'image du jeu de rôle, enfin moi en tout cas l'image qu'on m'a souvent vendue du jeu de rôle dans les années 80, 90, jusqu'au début des années 2000, c'est un jeu de rôle qui se pratiquait de manière très isolée, qu'il y avait un club où on pratiquait un jeu d'une manière et que si on n'était pas d'accord avec ça, ben, on n'avait qu'à changer de club, et que quand on pratiquait avec des amis, ben, c'était vraiment sous une forme de bulle, en vase clos. L'actual play, pour moi, ça permet de populariser et de rendre visibles plusieurs manières de faire, et du coup de les faire circuler, de se rendre compte que d'autres gens jouent au même jeu que nous, mais de manière très différente. Et ça, pour moi, ça change vraiment le jeu de rôle. Bon, en plus de ça, l'actual play, ça permet de populariser des jeux, et donc de rendre visibles des jeux. Donc, pour moi, l'actual play, c'est une merveilleuse manière de compléter un article théorique sur un jeu, un article de blog, une critique, etc., qui souvent donne un point de vue assez extérieur au jeu, parle des mécaniques, donne éventuellement un petit compte-rendu de ce qui peut se passer en partie, mais rien ne vaut évidemment le fait d'assister à une partie en direct, rien ne vaut le fait d'entendre ce qui se passe, comment sont les gens, comment s'articulent les mécaniques, comment est créée la fiction, et tout ça, l'actual play le permet. Ben en plus, par exemple, moi-même, j'ai critiqué un jeu à l'ouverture de mon blog, Lady Rossa, un hack de Lady Blackbird par Macbeth. Et j'ai écouté un actual play que Thomas Munier faisait du jeu, et ça m'a aidé à écrire ma critique, parce que ça m'a donné un autre regard sur le jeu, et donc ça a confirmé certaines théories que je pensais liées au jeu, mais dont j'étais pas sûr. Et ça a permis que je vois qu'est-ce qui était vraiment lié de ma pratique et de la compréhension que j'avais du jeu, et qu'est-ce qui pouvait être du jeu, parce que si une autre table avec qui je n'avais jamais parlé du jeu faisait un peu les mêmes choses que moi, eh ben ça m'encourageait dans l'idée que c'était le jeu qui voulait ça, et pas simplement un biais de maîtrise, pas simplement moi qui avais compris d'une certaine manière et qui donc jouait d'une certaine manière. Un autre point qu'à mon avis les actual play apportent au jeu de rôle, c'est une capacité à réfléchir sur le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est une création éphémère. Moi, je trouve que c'est une de ses grandes qualités. Mais, comme c'est éphémère, eh ben, une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, il y a une grande difficulté à parler réellement de ce qui se passe à une partie de jeu de rôle, puisqu'on n'a pas accès. L'actual play, même si parfois il est monté, comme dans 2D6 plus cool, même si parfois on peut se dire qu'il y a peut-être des choses qui sont dites hors antenne et qu'on ne montre pas tout, au moins il est là. Et quand il n'est pas monté, par exemple Thomas Munier il fait des actual plays assez bruts, mais il y a d'autres chaînes, notamment anglophones, qui font des actual plays comme ça assez bruts en direct, ça permet d'avoir une trace solide de ce qui s'est fait autour de la table. Et je sais que par exemple Valentin T, qui est un post-doctorant en linguistique, eh bien un de ses sujets de recherche, c'est justement le jeu de rôle et comment le langage est utilisé en jeu de rôle, quelles sont les différentes manières d'utiliser le langage en jeu de rôle, quels sont les différents gameplays liés au langage, etc. Si ça vous intéresse, je vous conseille le podcast de la cellule autour de l'herméneutique. Le titre, c'est « L'herméneutique, un autre regard sur le jeu de rôle ». C'est un podcast introductif où Valentin T parle de ses théories autour du jeu de rôle et autour de l'herméneutique. C'est passionnant, même si vous n'en touchez pas une en linguistique. Voilà, pour moi, c'est en ça que l'actual play change le jeu de rôle, parce qu'il permet de populariser des pratiques différentes d'une part, de les rendre visibles, et qui permet un regard, une réflexion sur le jeu de rôle d'autre part. Et bon, les prochaines années nous le diront, mais moi je suis certain que ça va amener des nouvelles réflexions en game design, que ça va amener des nouveaux jeux, et que ça va amener à réaliser les potentialités du jeu de rôle encore plus. Je m'appelle Black Kill, je viens de Kadat, j'ai 26 ans, je me bats à l'épelonque, à l'espadon, et c'est tout. Moi je suis un humain d'1m80, d'apparence tout à fait inquiétante, et j'ai une armure à plaques qui me protège ici, tout le torse, et à part ça je suis habillé en orange, j'ai une grande cape orange parce que c'est la couleur de mon dieu, Cthulhu. En plus, une de mes caractéristiques physiques qui en plus m'a fierté, c'est que j'ai des oreilles d'à peu près 15 cm, très fines, très effilées, ce qui fait la beauté de la race des elfes. Je suis vêtu d'une armure à plaques comme mes copains. J'ai une ceinture magique et des gants magiques qui me donnent une force de 23. J'ai un home Tom. Un coup de karaté. Okay, ouais. Mais alors, faudra un jour que tu m'expliques comment tu vas faire pour concentrer un rayon au travers des arcs pour laisser d'aller brûler un dinosaure. Et arrête de fâcher donc. Quand tu arriveras à m'expliquer ça, j'admettrai que ça marchera. Mais pour l'instant, ça marche pas. Je frappe violemment. Non, non, là il charge pas, hein. Moi je fonce dessus, je te jure, je suis invisible. Moi je fonce. Qu'elle voit quelque chose, qu'elle voit pas quelque chose, elle s'en fout pratiquement, tu vois. Elle se rend compte quelque chose de pas normal dans sa, okay. dans son milieu. C'est des bestioles qui sont, c'est des herbivores, mais c'est agressif. Ok. Tout ce qui leur semble assez bizarre, ils rentrent dedans. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment la charge, c'est moi qui me la prends. Intelligence 1/25e quoi. Ok. La charge. Moi je vais bien me la prendre, mais je suis invisible. C'est pas évident qu'ils vont m'avoir aussi, parce qu'il y va un peu au toucher. Il touche en moins 4 quand même. Voilà. Je tape. Je suis invisible, je tape à combien? Moins 2. La moralité, je suis neutre mauvaise, ce qui implique qu'en fait, je suis. Ce qui peut se passer autour de moi, je m'en fous un peu, quoi. À partir du moment où ça ne touche pas les choses qui m'intéressent réellement, je veux dire, par exemple, le blé, tu es, l'alcool, les nanas. Ouais, il faudrait peut-être que tu me câbles celui qui est sur scène. Ouais. Tu vas voir, t'as une torche avec deux câbles. Non, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, t'as un truc en principe. Moi, je comprends pas. C'est pas logique. La morale, c'est de considérer que tous ces peuples sont des barbares et qu'il faut donc les civiliser. Et notamment leur apporter la vraie religion, la religion catholique. Comme je suis prêtre, j'observe le culte d'un dieu. Et c'est un dieu chaotique mauvais. Donc, je suis moi aussi chaotique mauvais. C'est ma moralité. Alors, chaotique mauvais, ça veut dire que je suis tout à fait individualiste et égoïste. Et je suis pour l'élimination des faibles. En deux mots, je suis la dernière des crapules. Ça veut dire que les Européens arrivent et disent aux indigènes, allez ailleurs. Nous, on occupe le terrain. D'accord ? Et ils occupent seuls le terrain. Je suis chaotique neutre et je pense d'abord à mon confort personnel, à ma chère petite vie, et je protège les magiciens parce que je les crains. Et c'est d'abord moi qui passe avant les autres. Et salut à tous, c'est Angel Dust, donc je suis co-auteur notamment des jeux Terre de Sang et plus récemment Damné. Et donc j'interviens dans le cadre du podcast Frankenstein à propos des Actual Play. Alors moi j'aimerais parler un petit peu d'un autre aspect de l'Actual Play qui est l'aspect base de données archivage, mémoire également. L'idée c'est... c'est de dire que le produit du jeu de rôle, qu'est-ce que finalement on retient d'un jeu de rôle, le produit c'est, pour moi, selon moi, c'est la partie en elle-même, quoi. Et quelque part, c'est la mémoire que les joueurs, enfin en tout cas que les participants autour de la table ont de cette partie. Et donc, le produit du jeu de rôle n'est pas un livre, mais le produit du jeu de rôle est un moment. Et la meilleure manière de capturer ce moment, eh bien, c'est de l'enregistrer, tout simplement. Je vais passer volontairement sur tous les aspects montés ou non des actual play. Je vais uniquement me concentrer sur l'aspect enregistré d'une partie. Et donc, toutes ces parties enregistrées permettent toutes ces parties permettent en fait d'alimenter une base de données de nos mémoires de parties. Plus cette base de données sera grande, plus elle pourra rendre compte du jeu de rôle, et je mets des guillemets autour de jeu de rôle. Corollaire à cela, puisque on est capable d'archiver ces moments, on est capable de les étudier comme on peut étudier des livres ou des peintures. On peut les étudier dans le cadre de la reproduction de gestes rôlistes ou de techniques rôlistes ou de schémas fictionnels, mais aussi on peut les étudier dans un cadre académique, linguistique. Et donc là, j'aimerais me référer aux travaux de Valentin T, qui fait un boulot énorme de retranscription de certaines parties enregistrées, donc non montées, où il essaye de découper et de mettre en exergue des boucles de gameplay, en fait. Donc, il l'a fait, par exemple, sur un de nos enregistrements de parties de Vampire, et il m'en a rendu compte. Et c'est absolument fascinant toutes les informations qu'on peut tirer d'un point de vue donc linguistique, d'un point de vue fonctionnel, de décortiquer la manière dont peut fonctionner une partie de jeu de rôle. Et donc cet archivage permet cette étude dans un cadre plus académique. Il a fait le même travail sur des parties d'OSR et les résultats sont absolument fascinants également. Donc voilà, c'est les deux aspects sur lesquels je voulais mettre le point, le côté archivage mémoire et le côté facilitation, on va dire, des études, notamment académiques. Voilà pour moi. Bonsoir, peuple rôliste. Alors comme ça, on vient parler d'actual play. Très bien, abordons donc le sujet. En tant que créateur de jeux, l'actual play est pour moi aujourd'hui un outil extrêmement efficace, extrêmement intéressant pour réussir à faire passer ma vision d'un jeu aux gens qui vont le pratiquer. C'est à la fois un support de communication qui me permet de faire parler du jeu ou de parler du jeu avant même qu'il ne soit prêt ou juste après sa sortie. C'est d'ailleurs la stratégie qu'emploient aujourd'hui énormément de créateurs de jeux américains qui se sont fait un circuit à travers les différents podcasts d'actual play ou de discussion autour d'un jeu qui va sortir sur un financement participatif. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est l'habitude qui prend le dessus. D'ailleurs, les utilisateurs de jeux en général vont assurer désormais que lorsqu'ils veulent découvrir un jeu, il n'y a rien de plus facile pour eux que d'aller sur YouTube ou sur leur plateforme de podcast préférée pour découvrir une partie du jeu en question. Ainsi, ils ne se contentent pas de le feuilleter dans une boutique, fait qui est d'ailleurs rendu de plus en plus difficile par le fait que beaucoup d'achats se font désormais en PDF directement sur Internet ou en impression à la demande, mais par commande, et que consulter l'ouvrage lui-même n'est pas nécessairement simple. Mais c'est aussi une forme d'aide de jeu, un moyen pour le créateur de s'assurer qu'une partie au moins correspondra à ce qu'il pense du jeu, un moyen de faire passer sa vision du jeu autrement que par l'écrit simple. Évidemment, il y a une troisième utilisation à ces actual play, toujours dans le même mode, le mode démonstratif, puisqu'ils vont servir très souvent à la même chose que les scénarios qu'on trouve à la fin des bases de jeux de rôle, c'est-à-dire d'une inspiration pour que les futurs joueurs et joueuses puissent créer leur propre partie en partant d'un exemple concret. Mais revenons un tout petit peu sur la notion de transmission de ces actual play. J'ai souvent entendu dire que, finalement, puisque le jeu de rôle à écouter n'était pas intéressant, si on avait besoin d'une partie avec l'auteur pour comprendre un jeu, c'est que le jeu était mal fait. J'aimerais apporter une nuance à ce propos. Évidemment, le texte n'est pas nécessairement parfait. Il a des défauts. Il peut être difficilement compréhensible, ou voire carrément, comme ça arrive relativement souvent, mal fait, du point de vue de la transmission des informations. Mais il ne faut pas oublier, et c'est une chose qu'on apprend pas mal dans l'éducation aujourd'hui, que des individus différents sont sensibles à des médias différents. La transmission par l'écrit est une forme de transmission très traditionnelle, en jeu de rôle en tout cas, qui représente en quelque sorte le haut niveau, la perfection que recherche tout créateur, une espèce de vision un peu élitiste de l'écrit qui devrait prendre le pas sur la tradition orale. A contrario, la tradition orale d'un jeu par son créateur lors de conventions, par exemple, fait dire que si les parties sont bonnes, ce n'est pas dû au jeu, mais à la présence du créateur. Pourtant, nombre d'entre nous avons appris à jouer au jeu de rôle, de manière générale, auprès d'autres gens, auprès d'autres meneurs de jeu, quand il y en avait, auprès de différents initiateurs, comme on a pu les appeler assez souvent. Il y a une vraie tradition orale en jeu de rôle. Une vraie tradition de transmission de ce qu'est un jeu par la parole. J'en veux pour preuve les erreurs qu'on fait via ces transitions. Combien de fois nous rendons-nous compte que nous avons appris un jeu en appliquant certaines règles, alors que dans le livre lui-même, ces règles n'apparaissent pas ou apparaissent différemment ? Combien de fois on s'est formé des représentations de ce que pouvait être un jeu, alors qu'à la lecture, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Mais alors, ça veut dire que la transmission orale est supérieure à la transmission écrite ? Ben bien sûr que non. L'idée, c'est de multiplier les modes de transmission. Écrite, par exemple, dans une base de jeu classique. Orale, à travers des podcasts enregistrés. Vidéo, donc orale et visuelle. Et on peut même aller sur le design graphique dont nous parlions récemment dans les voies d'Altaride avec Bastien Votto. Tant de manières de faire différentes qu'il est à peu près certain que les joueurs abordant ces jeux pourront trouver la manière qui leur convient le mieux. Pour certains, ce sera la version orale, pour d'autres, ce sera la version écrite. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti là-dessus depuis le début ? Ben on n'est pas parti là-dessus depuis le début parce que réaliser un enregistrement audio qu'on pouvait distribuer à un public, pour se contenter de l'audio, ça n'est devenu réellement possible que depuis l'avènement des formats numériques et de l'omniprésence d'Internet. Acheter, en plus de la base papier, une cassette, ou un disque, ou un CD, ou un DVD, ou USB, ce que vous voulez, ça n'était pas vraiment quelque chose qui a fonctionné auparavant. Il y a des expériences qui ont été faites, mais globalement, ça représentait un surcoût et donc pas forcément quelque chose de très intéressant pour le public. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça. Et par conséquent, il est difficile d'imaginer qu'on puisse s'en priver. C'est pour ça que, dans mon cas, j'essaye, pour chaque jeu que je rends disponible, de l'accompagner d'une partie, au moins une partie, dans laquelle je peux être présent, dans laquelle je peux ne pas être présent, mais qui représente ce que devrait être une partie du jeu, à mon avis. Ça ne veut pas dire que j'écrive la partie à l'avance, ou que je décide des dialogues. Ça aussi, ça a été essayé. Non, ce que je veux, c'est que des joueurs jouent à une partie, avec moi. Ça me donne l'occasion de profiter du jeu, c'est pas mal. Mais sans moi, c'est très bien aussi. Et à partir de là, si la partie convient et me paraît démonstrative, je peux la conserver. Si elle ne me paraît pas démonstrative, je peux l'éliminer. Mais je ne veux pas l'écrire à l'avance. Pour garder une forme de spontanéité, en quelque sorte. Même si l'enregistrement lui-même modifie souvent le contenu de la partie elle-même. Cependant, on pourrait donner un certain nombre d'arguments contre cette pratique. Le principal qui me vient en tête, c'est à la manière des illustrations, un enregistrement audio peut figer l'image d'un jeu ou d'une partie dans la tête des participants. Lorsqu'un meneur de jeu, lorsqu'un joueur vous offre une photo ou un dessin pour un PNJ, un monstre, que sais-je encore, un lieu, d'un coup, l'image se fixe dans votre esprit. Évidemment, elle ne se fixe pas totalement, elle n'est souvent qu'en deux dimensions, il n'y a pas le côté dynamique, on va y ajouter un certain nombre d'éléments imaginaires, etc. etc. Mais c'est la base. Notre imagination n'a alors plus l'occasion de partir dans des directions vraiment opposées. En ce qui concerne une partie enregistrée, on a un phénomène qui y ressemble. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement le contexte de jeu, ce n'est pas nécessairement les personnages qui vont nous rester. En revanche, les dynamiques de jeu vont en général se graver plus ou moins dans notre esprit. Et parfois cela pose problème. D'une part parce que ça va nuire à la créativité éventuelle des joueurs. On pourrait discuter de la gravité de cette idée-là, puisqu'après tout, quand on joue à un jeu, on est censé suivre les règles de ce jeu. Mais cela risque aussi de créer des dissonances importantes. Par exemple, je me souviens d'un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai déjà cité de nombreuses fois par le passé, qui s'appelle Headspace, qui a eu droit à plusieurs actual play dans plusieurs podcasts. Dans l'un d'entre eux en particulier, la partie jouée l'était sur un mode tout à fait parodique, tout à fait humoristique. Et on perdait, à mon avis, un certain nombre d'attraits du jeu, du point de vue émotionnel notamment, et du point de vue de la gravité de la tâches auxquelles sont confrontés les personnages dans ce jeu-là. Du coup, pour moi, en écoutant cet actual play, j'étais content d'écouter une partie d'un jeu que j'aimais beaucoup. Mais j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence. Ce n'est pas la même expérience de jeu que celle que j'avais découvert autour de tables de jeu ou dans le livre que celle qui était proposée par cet enregistrement. Du coup, que faire ? Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? J'en suis à peu près persuadé.

Alors que ben, autour d'une véritable table de JDR, que ce soit physique ou informatique ou dématérialisée, il y a des longs moments de silence, des moments de réflexion, du hors-jeu. Tout ça, ça fait partie, selon moi, du jeu. Et c'est dommage qu'on ne retrouve pas ce genre de choses dans la pratique la plus courante de l'actual play. Du moins, la plus connue. Parce qu'après, évidemment, si on va sur YouTube et qu'on le cherche 3 minutes, on a des personnes qui lancent un enregistrement au début de leur partie, qui laissent absolument tout. Mais d'un côté, ça devient totalement inécoutable parce que on entend des bruits de bouche, on entend les gens manger, on entend, ouais, au fait, hier, t'as fait quoi? Ah oui, moi j'ai fait ça. Enfin, voilà, c'est compliqué d'écouter une véritable partie de JDR et de l'apprécier, alors que c'est très facile d'écouter une partie d'actual play qui est biaisée et qui n'est donc pas, selon moi, je précise, une partie de JDR. Alors en disant cela, je me rends compte qu'en fait je viens de faire le fameux affront de dire c'est pas du JDR, qui est une phrase que je déteste proprement, mais je pense que ça mérite de la question mérite d'être posée. Est-ce que il faut réellement considérer l'actual play comme du JDR au même titre que est-ce qu'il faut considérer les téléfilms comme du cinéma? Donc c'est probablement une pratique différente qui présente ses avantages et ses inconvénients. Voilà, merci Thomas à nouveau pour nous avoir laissé à toutes et à tous l'occasion de donner notre avis sur ce sujet. Bonjour Thomas, c'est Fibre Tigre, je suis maître de jeu à Game of Thrones qui rentre complètement dans la catégorie, je pense, des actual play, même s'il a des spécificités. Donc moi, ma spécialité, j'ai 40 ans, je suis maître de jeu depuis, je pense que j'ai 12 ans, même si j'ai eu ma première boîte à 7 ans. Et en fait, même si j'adorais le jeu de rôle entre amis, en fait un jour j'ai vu ce film islandais qui s'appelle Astropia, et il y a une scène complètement folle où ils jouent au jeu de rôle et ils sont dans un salon, et tout d'un coup donc il y a une belle table, tout ça, il y a le maître de jeu, c'est un peu mou, c'est comme en début de partie, ils sont pas encore commencés, et tout d'un coup le maître de jeu raconte la scène, et là littéralement sur l'écran les murs s'effacent et on est dans une scène de bataille. Moi, j'aime pas trop les scènes de bataille, mais en gros j'ai vécu ça en fait. Moi, je vis ça en tant que maître de jeu quand je commence à raconter l'appel de Cthulhu, autour des bougies, tout ça. Je vois vraiment que tout d'un coup, le monde disparaît et on est dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Alors, après, j'ai un peu roulé ma bosse, je fais du jeu vidéo, je fais de la série télé, tout ça. Mais j'ai jamais trouvé la dimension interactive profonde et live du jeu de rôle. Et en fait, elle est profondément incompatible avec. Avec par exemple la série télé ou la radio ou n'importe quoi, où c'est hyper maîtrisé, et faire du live qui peut partir en couille à tout moment, ça n'existait pas, c'était pas possible jusqu'à peu. Bon, je vais en parler dans quelques minutes, mais en gros, après j'ai fait la campagne Warhammer, c'était en 2011, la fameuse campagne impériale, je l'ai faite sur une webcam sur Twitter. À l'époque j'avais 4000 followers et franchement j'avais 27 personnes qui regardaient, et je l'ai plaint parce que c'était vraiment pénible, tu vois. Mais c'était ambiance, jeu de rôle. Après j'ai un peu coupé les points avec le jeu de rôle, ben, tout simplement parce que il faut gagner sa vie, hein, à un moment. Et même si j'ai une belle collègue. Et j'ai voulu relancer le projet quand j'ai rencontré MV, on a travaillé 2 ans dessus, ça aboutissait pas. Puis finalement, Webedia m'a fait une proposition, et une proposition qu'on ne peut pas refuser. Voilà. Enfin, surtout psychologiquement, je pouvais pas la refuser parce que j'avais commencé ce projet de jeu de rôle sur Twitch. On avait même un sponsor, enfin c'était vraiment, c'était bien payé, mais ça avançait pas. Et je tombais malade, quoi. Je tombais malade que ce projet qui avançait pas, pour des raisons qui malheureusement parfois ça marche pas et on peut rien faire, tu vois. Et donc du coup j'ai eu une proposition de Webedia qui a fait suite en fait à un premier jeu de rôle qu'on avait fait dans l'émission, le podcast Studio 404, qui est un podcast qui a une audience un petit peu costaud, et en fait en impro total, le scénario est tenu sur une demi-page, on a fait une émission de 1h30 qui a eu un énorme succès parce qu'on avait utilisé le jeu de rôle pour parler de l'actualité. En fait, à tel point, on avait anticipé l'actualité de 15 jours, bon, c'était des experts, hein, sur toute l'affaire Deepfake, tout ça. Et ça a eu énormément de succès auprès de notre audience, les gens ont adoré. Et surtout, on a eu des gens qui jouaient pour la première fois, je pense à Sylvain, je pense à Lame. Lame, aujourd'hui, c'est quasiment le meilleur joueur que j'ai jamais eu en jeu de rôle. Le mec n'avait jamais joué à un jeu de rôle de sa life. Simplement, il est, et comment dire, il a compris que le truc dans le jeu de rôle, c'était tu vis une autre vie, tu vois, tu vis une autre vie et tu peux faire ce que tu veux, et pas t'essayer d'optimiser comme un porc, tu vois. Et Webedia m'a proposé ça. Donc aujourd'hui, Game of Rules, c'est pas, quand on prend le triptyque jeu de rôle ludique, narrativiste, simulationniste, bah c'est aucun des trois. C'est un quatrième type qui est en train d'émerger, grâce à Twitch notamment. Pourquoi ça émerge grâce à Twitch ? Alors le quatrième type, c'est quoi ? C'est le jeu de rôle en fait qu'on regarde. Et ça, c'est différent de l'actual play. L'actual play, c'est un jeu de rôle qui se fait, on l'enregistre. Et on vous le transmet. Ça pourrait être un compte-rendu. Là, Game of Roll et je pense les jeux de rôle qui sont à venir sont des jeux de rôle qui sont conçus pour faire le spectacle. C'est-à-dire que c'est une série télé interactive. On nous dit souvent ça. Enfin, c'est en tout cas l'ambition. Après, vous pouvez dire c'est raté, tu vois. Mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne. Et là, par exemple, on a rogné sur le narrativisme, c'est-à-dire que on n'est pas théâtralisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas impressionné les gens, parce qu'il y a une dimension. En fait, le message qu'on veut faire passer, c'est vous pouvez le faire chez vous, les gars. Pas la peine d'être un mec qui fait du théâtre, qui s'exprime ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement dire, bah, mon personnage, il a envie de faire ça. Vous exprimez simplement, il n'y a pas de nazi autour de la table. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on rogne sur le narrativisme. On rogne sur le narrativisme en mettant des personnages qui ont des noms bizarroïdes, qui ont des... comment ça s'appelle ? On fait des ellipses là où il faut pour que le rythme tombe jamais. Tu vois, il n'y a jamais une séquence où on dit, bah, voilà, on rentre chez le marchand, je sors mon livre, page 212, où il y a tous les prix de toutes les arbalètes. Tu vois, il n'y a jamais ça. Ça va à fond. Donc on rogne un peu sur la narratisme, on rentre totalement sur le simulationnisme, c'est-à-dire que franchement, l'important c'est d'avoir quelque chose qui pète à l'écran, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, il commande un bateau, et j'ai dit, on peut faire deux trucs, je vous fais une compétence sur 100 commander un bateau, ou alors je vous apprends le vocabulaire marin, et dès que vous plantez le bateau, il perd des points de vie, tu vois, et on a fait ça. Et en fait, c'est vachement bien parce qu'ils se sont mis à parler, à dire, je sais pas, à souquer les amarres, tu vois, des trucs comme ça, et c'était marrant parce qu'à l'écran, ça avait quelque chose avec un peu de son en plus. Et on rogne sur le ludique aussi, c'est-à-dire que l'important, c'est de se raconter des histoires. Et pas de... Enfin, je veux dire, parfois, malheureusement, je connais pas leur point de vie, je connais pas même pas leur stade, tu vois. Et si je peux résoudre ça juste par le roleplay et l'astuce, franchement, je suis hyper soulagé, parce que c'est pour moi, c'est l'essence du jeu de rôle. Enfin, on utilise des chiffres parce qu'il n'y a pas de méthode plus optimisé en général. Mais si on pouvait ne pas avoir de chiffres, pas avoir de dés, pas avoir de cartes, franchement, ce serait le topissime, tu vois. Mais il n'y a pas ce frisson de l'aléatoire non plus. Donc voilà, on a ce type de jeu de rôle qui est un jeu de rôle de spectacle, on va dire, voilà, qui a d'ailleurs converti pas mal de gens. Je reçois tous les jours des messages, je suis content. Surtout, l'idée, c'est qu'on dédramatise, voilà. Que ça se passe bien, que ça qu'on passe un bon moment, avant tout. Voilà. Et si je sentais que ça descendait, je couperais l'émission en plein milieu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette émission, Game of Roll, elle est exceptionnelle, parce qu'elle a un coût, elle a un coût énorme. C'est-à-dire que même, je faisais le compte tout à l'heure, je me disais, un seul épisode de l'émission doit coûter plus cher que la réalisation d'un livre jeu de rôle, tu vois. C'est-à-dire que on a 8 joueurs, puisqu'on a 2 équipes qui fonctionnent en alternance. Ces joueurs sont payés. Vous imaginez, vous êtes payés pour faire des jeux de rôle. Moi, je suis payé. Il y a un plateau, qui s'appelle le plateau mix, qui est énorme, enfin qui est le plateau où il y a Squeezie quand il n'y a pas nous, tu vois, donc c'est le plateau du respect, donc il est cher, il y a une régie, il y a un ingé son, il y a un réal, donc il y a déjà 2 ingés qui s'occupent de la réelle du truc, donc c'est lourd, il y a des décors, il y a de la musique, c'est les gardiens, c'est des droits, tout ça, il y a de la diffusion, il y a de la bande passante, tu vois, donc en gros, il y a de la lumière, je peux pas citer tout ce qu'il y a, mais en gros, on est l'émission qui est certainement, enfin, qui est de sûr la plus chère de la JVTV. Je ne sais pas où ils trouvent la rentabilité. Nous, moi, je suis très content, en tout cas. Je vis un rêve dans des conditions de grand luxe. Et je touche du bois, j'espère que ça durera longtemps. Je me demande si ça durera longtemps à ce rythme-là, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on met le paquet pour que ça se passe bien. Et pour aussi faire plaisir aux gens. C'est des émissions qui sont toutes live. Donc imaginez un jeu de rôle, parfois il y a des temps morts, donc il faut vraiment pendant 2-3 heures tenir le rythme. Et également, moi, j'ai pas une oreillette, mais presque. Et en gros, on me dit, parce que pendant l'émission, on demande aux joueurs, est-ce que vous voulez qu'ils rencontrent un Kraken? Est-ce que vous voulez que ce mec-là soit gentil ou un traître? Et ainsi de suite. Ils sont généralement très, très gentils. Mais moi, je reçois ces informations. Il faut que je traite les joueurs, je traite le scénario et je traite les informations. Et c'est compliqué. Mais il y a un truc qui me sauve, c'est que les joueurs s'amusent beaucoup. Donc, ils font beaucoup de respiration mentale pour moi. C'est-à-dire qu'ils se chamaillent. Moi, pour l'instant, je peux retrouver mes notes. Donc, ça se passe plutôt bien. Je trouve que c'est peut-être ça le futur du jeu de rôle. C'est-à-dire, je pense que le MMO autour d'une table est possible, personnellement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une génération de gens qui ont joué à World of Warcraft. Et moi, je voudrais qu'il y ait un maximum de jeux de rôle parce que je trouve que c'est un loisir créatif, sain, intellectuel, puissant, pas cher, en fait, dans le fond. Très drôle. Je voudrais que maximum de gens y jouent et Game of Thrones est aussi là pour ça, pour convertir. Chaque fois que quelqu'un vient me voir, il me dit grâce à Game of Thrones, j'ai acheté les règles de Donjons et Dragons. Je déteste Donjons et Dragons, mais quand on me dit ça, franchement, le mec, j'ai envie de lui faire des bisous, tu vois, c'est trop bien. Je suis trop content parce que c'est bien pour la communauté, c'est bien pour la création, c'est bien pour moi en tant que joueur parce que ces gens-là, 1 sur 1000 va devenir un très très grand créateur de jeux de rôle un jour et va nous sortir une histoire comme la campagne impériale ou les masses du Nerlatotep, tu vois. J'attends ça, ces personnes qui vont émerger de ce qu'on transmet. Est-ce que j'ai autre chose à te dire par rapport à ça? Ouais, j'espère que ça va durer longtemps. Voilà, en tout cas, ça prend la majorité de ma ressource mentale aujourd'hui. Et on fait aussi des émissions spéciales. Le but étant d'être sponsorisé à un moment. Je ne sais pas si ça va arriver. Oui, on a un sponsor qui va arriver, mais l'idée, ce serait que en fait, le jeu de rôle soit utilisé comme un support promotionnel. Alors, ça va vous révolter parce que j'imagine que vous êtes tous des puristes, mais ouais, en fait, en vrai, l'idée, c'est qu'au lieu, quand il y a un Tomb Raider qui sort, au lieu d'avoir, une soirée avec des VIP, un selfie de, je sais pas quoi, d'une star qui dit « Ouais, Tomb Raider, c'est trop bien », ben non, on se met quatre autour d'une table, on filme et on fait un jeu de rôle, par exemple Tomb Raider, et en fait, on vit l'expérience, tu vois, d'une autre façon. Pour moi, c'est aussi un des aspects de Game of Thrones qui est venu sur le tard, c'est-à-dire que Webedia m'a dit « Ce serait bien de faire ça », et en fait, je dis « C'est pas con ». Parce que, en fait, en vrai, ok, ça dénature le produit artistique du jeu de rôle, mais ça le popularise aussi. Et tout dépend, si vous voulez, qu'il n'y ait que des puristes ou qu'il y ait un maximum de gens qui jouent. Voilà. Il y a un compromis, bien entendu, mais moi, je tire plutôt sur le côté maximum de gens qui jouent. Voilà. Et le dernier point, c'est que, avant de vous quitter, c'est que aujourd'hui, c'est possible. Et ce n'était pas possible avant. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a Twitch. Et Twitch, c'est un support de direct live geek peu cher qui rend le truc possible, c'est à dire que la valeur ajoutée dans Twitch, c'est pas du tout l'émission super maîtrisée de TF1 où les mecs sont super polis, parfaits, tout ça. La valeur ajoutée de Twitch, c'est quand ça part en couille, tu vois, c'est quand t'as un truc imprévu, genre un mec qui se met sur la table et qui enlève ses vêtements et qui se met à hurler à la lune, tu vois. Si c'est pas prévu, ça, c'est génial. C'est là où tu fais de l'audience, c'est là où t'es fort, c'est là où tu fais un truc unique. C'est pas du tout là où tu dis « Ok, tu commences dans 2 minutes, Coco, tal. » Et le Twitch, par essence, c'est le support du jeu de rôle s'il est maintenu avec une bonne fréquence. Donc je pense qu'on a cette chance-là aujourd'hui d'avoir cet outil-là. Demain, il y aura un autre Twitch, mais qui prendra tous les aspects positifs de Twitch. Et donc, il faut ne pas hésiter à continuer, à utiliser ce support et à faire d'autres Game of Thrones. N'hésitez pas. Voilà. Et si vous aimez l'émission, envoyez-moi un petit mot, ça me fera très très plaisir. Allez, à très bientôt. Au revoir. Salut à tous. Et puis Thomas, merci d'avoir tenté cette expérience d'un espèce de podcast hybride. Je trouve que c'est une idée assez innovante et on va voir comment se passe la seconde phase. Je suis curieux de voir le développement de tout ça. Pour répondre à cette question sur le développement des actuels plays, j'ai choisi de me positionner de façon complètement subjective, c'est-à-dire de ne pas écouter du tout les autres podcasteurs et puis de reprendre un petit peu quelques années en arrière quand moi je commençais le jeu de rôle. Où on était dans une situation de vide complet au niveau du retour. On était même dans une situation de vide quasi complet parce qu'il n'y avait pas d'internet, tout simplement. Donc en fait, on était des petites communautés fragmentées. Je pense que les seuls point commun qu'on avait, c'était les textes qu'on partageait, les livres de jeux de rôle et surtout les scénarios et les campagnes qui avaient un rôle, je pense, beaucoup plus important que maintenant. Puisque c'était un peu la base commune sur laquelle on pouvait se référer. Je pense qu'après, avec l'arrivée d'Internet, on a eu des comptes rendus en sous forme de textes de parties jouées qui ont déjà été un apport énorme et puis qui ont, je pense, un apport différent des actual play. Et puis après, il y a quelques années, on a assisté à une véritable explosion des actual play. Je pense à la conjonction de plusieurs mouvements. Je pense qu'il y a le développement des parties en ligne. On est de plus en plus nombreux à jouer via des systèmes comme Hangout, ce qui permet évidemment de les enregistrer de façon beaucoup plus aisée. Et puis je pense qu'il y a aussi la révolution de tout ce qui est actual play de ou streaming de jeux vidéo, un peu tous les systèmes à la Twitch et aussi rediffusés via YouTube, qui font qu'il y a une forme de communauté qui est prête à recevoir ce type de contenu. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est passé vraiment à une situation totalement inverse, dans laquelle les contenus sont au contraire bien supérieurs à la demande. C'est même parfois difficile d'arriver à écouter un petit peu tout ce qui nous intéresse, notamment quand on cumule les actual plays francophones et anglophones. Il y a vraiment une offre pléthorique. Donc par rapport à ça, je voulais un petit, justement, compte tenu de cette offre vraiment massive d'actual play, je me suis un petit peu posé la question de ce que ça changeait pour moi au niveau, enfin ce que je ressentais au niveau de l'écoute, ce qui a changé dans ma pratique. Et puis à la fin, j'essaierai de revenir un petit peu sur des données un peu plus peut-être négatives ou des choses qui me mettent un petit peu mal à l'aise. Je pense que la première chose que je recherche dans l'actual play, c'est tout simplement l'aspect feel good, hein, c'est le fait de se retrouver sur des parties d'un jeu qu'on connaît, voire d'un scénario qu'on connaît. Alors moi, l'exemple typique que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps, ça a été d'écouter à la fois en anglais et puis en français des actual play des Montagnes Hallucinées pour l'appel de Cthulhu, qui est donc une campagne sur laquelle j'avais bossé pour Sans Détour, et là entendre simplement les textes sur lesquels j'avais travaillé lus dans des actual plays et puis les situations jouées. En effet, ça a un impact assez fort. Je pense que j'avais pas bien mesuré ce côté-là. J'avais vu les bouquins, mais je l'avais pas du tout entendu mis je les avais pas entendu mis en action, et ça avait un côté extrêmement extrêmement sympa. Et puis sur des scénarios qu'on connaît et des parties qu'on connaît, je crois que ça joue un côté extrêmement extrêmement cool de revoir des gens passer par des situations qu'on a déjà expérimentées. Je pense que du côté si on passe plus du côté maître de jeu voire game design, ça permet d'avoir accès à des jeux étendus, un accès à une palette de jeux très étendue, notamment des jeux qu'on n'aurait pas forcément le temps de lire. Et je pense, de façon encore plus importante, ça permet de les voir mis en pratique. Alors avec toutes les limites que ça peut avoir, parce qu'on peut avoir tous des pratiques différentes de certains jeux, mais ça permet quand même d'avoir une approche réelle en pratique qui je trouve est hyper intéressante. Et notamment de ce côté-là, alors là c'est là que je trouve qu'il y a l'aspect un peu plus game design, mais c'est vrai que moi je travaillais sur des jeux notamment donc pour faire des moteurs alternatifs pour notamment INS et pour Innominé Satanis et pour Delta Green. Et le fait d'avoir à disposition des parties de ces jeux, c'est vraiment hyper important, parce que ça permet d'avoir de mettre en évidence tout ce qui est les invariants, le cœur du gameplay, qui n'est pas forcément présent dans le système, puisque tous les systèmes codent pas forcément toutes les habitudes de jeu. Il y a parfois des trucs qui sont codés dans les scénarios, des trucs qu'on attend des joueurs, des trucs qui se mettent en place de façon un peu méta. Et le fait de pouvoir aborder pas mal de scénarios, voilà, je pense notamment à Delta Green où il y a quand même vachement de scénarios qui ont été joués en ligne, ça m'a vachement aidé pour mettre en lumière des points sur lesquels qui revenaient vachement souvent dans les parties, que ce soit dans les phases d'enquête, que ce soit dans les phases de confrontation, la hiérarchie, il y a des choses qui sont hyper intéressantes de ce côté-là. Alors après, du côté sur un côté plus terre-à-terre pour le maître de jeu, je trouve qu'il y a il y a des enseignements à tirer à la fois en termes de maîtrise et aussi en termes de jeu d'acteur. Je pense notamment à The Lessis Plus Cool et aux performances d'Iphigénie qui sont vraiment pour moi des exemples de ce qu'on peut apporter en tant que joueur et puis mise en pratique, alors que c'est vrai qu'elle le développe sur son blog, mais l'entendre en action, la façon dont elle tend les perches aux joueurs, la façon dont elle part dans des roleplay en biais, c'est-à-dire ne jamais marcher dans ce qu'on attendait, c'est un truc qu'Antoine dans The Lessis Plus Cool a pas mal fait aussi et que moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça, là-dessus, de ce côté-là, les actual play, il n'y a pas grand-chose qui remplace cette vérité du moment, parce qu'on peut avoir des positionnements théoriques, des positionnements pratiques aussi, des trucs, mais les entendre en jeu de temps en temps, ça, c'est quand même une forme de bouffée d'oxygène. Et puis je vais revenir un petit peu sur moi, ce qui peut-être me gêne parfois, me limite. Je pense que je ne suis pas d'une génération qui a grandi avec avec tout ce qui est streaming, et donc c'est vrai que y a des trucs par exemple, moi je vois des fois les commentaires qui passent sur le côté des actual play, il y a pas mal de streams d'actual play qui sont qui viennent de la communauté du jeu vidéo, et c'est vrai que moi par exemple les GG dans les commentaires, c'est un truc qui me fait hyper bizarre, je trouve que c'est un côté décalé. Je trouve qu'aussi la présence d'une audience elle amène à des positionnements parfois des parties qui me sont pas forcément, qui me sortent déjà de l'immersion, l'appel au public systématique, l'appel au choix du public, les trucs comme ça. Alors je comprends que c'est un côté sympa, parce que ça crée des rebondissements, ça crée de la diversité, mais moi ça me sort vachement du truc. Il y a un podcast comme ça qui s'appelle Shadowrun Anarchy, où c'est les mecs qui font de l'impro dans Shadowrun, où les mecs sont vachement forts, et c'est hyper intéressant comme approche. Mais moi, j'avoue que j'accroche pas du tout dans l'immersion, alors que pourtant ils font des trucs assez spectaculaires. Je pense aussi que de pair avec cette approche du stream, on a eu une forme de professionnalisation et on aboutit à des trucs qui sont hyper impressionnants. Je pense notamment à Tale of P, qui en termes à la fois de contenu, de support technique, etc. On arrive à des trucs qui sont extrêmement extrêmement cool. Et donc c'est un peu, on a un peu à l'heure actuelle une espèce de dichotomie entre des actual play extrêmement enregistrés, extrêmement à l'arrache, vraiment bruts de décoffrage, qui sont aussi intéressants mais parfois très durs à écouter, et des trucs au contraire extrêmement professionnels, dont les gens vivent, ce qui est toujours un truc sur lequel on pourra peut-être discuter. Moi ça me surprend toujours un petit peu, et donc je pense qu'on est un petit peu à la croisée des chemins entre ces deux trucs, ces deux mouvements là mais en tout cas je crois que c'est une pratique de fond et qui influence nous, notre à son tour, la façon dont nous on conçoit nos parties et dont peut-être à notre tour on les enregistre. Donc là, je pense c'est loin d'être un épiphénomène, c'est une lame de fond. Voilà, et bien au plaisir de vous écouter. Ciao. Est-ce que quelqu'un d'autre a une histoire? Pas sur le moment, non. Non, on va méditer sur cette histoire d'alchimie. Ouais. Bon. C'est pas facile d'être alchimiste, hein. Ça peut se retourner contre vous. Ok, attention. Moi j'en ai une, mais c'est un peu triste. Les histoires tristes, on prend quand même, vas-y. Quelle est ton histoire? Non, mais c'était, vous savez, moi j'ai grandi dans des arènes, hein. Je devais combattre les animaux, les humains. Et en fait, quand j'étais petite, je me suis liée d'amitié avec un bébé tigre. Et c'était un peu mon ami, quoi, mon compagnon. On dirait que tu vas pleurer. Vas-y. Non, mais ça m'émeut d'en raconter encore. D'accord, ok. Et il se trouve qu'après, il a été vendu, donc je l'ai pas retrouvé, mais je savais le reconnaître parce qu'il avait une oreille un peu coupée, avec une façon très particulière de une forme particulière. Et en fait, un jour, je l'ai retrouvé dans une arène et j'ai dû me battre contre lui. Et j'ai dû le tuer. Ah là là là là. Il avait, comment il s'appelle ce Kiki. Bonjour Thomas, c'est Volz de 2D6 Plus Cool. Je profite de la deuxième phase de ton podcast Frankenstein pour prendre le train en marche. J'ai écouté les interventions avec un certain délice. Je pensais moi-même ne pas me prêter à l'exercice, tout ayant été dit et de fort belle façon. Mais il a fallu qu'un pote me remette le nez dedans pour que j'éprouve un trouble à l'écoute de certains passages. Ainsi, je rajoute mes 2 centimes à la machine. Avec cette intervention, qui est montée, hein, elle aussi, et dont le texte a été tapé à l'avance, à la virgule près. J'ai écouté de l'actual play longtemps avant de me prêter à l'exercice. En effet, si mon premier réflexe est de chercher un exemple de jeu dans un ouvrage de JDR, pour enfin en cerner le propos, écouter des actual play m'apporte souvent l'aperçu qui me manquait. Je cite encore et toujours Feu le Walking Eye, et plus encore le déclinant Junkcast pour m'avoir permis de comprendre Apocalypse World. Si je dois mon amour pour la mise en scène cinématographique à Star Wars D6 et ses prologues de scénario, que l'on pouvait aussi retrouver de semblable manière dans Casus Belli, ma passion pour le high roleplay, le drama, jouer l'impact, c'est le Junkcast qui me l'a insufflé. Désormais, 2D6 Plus Cool a mis à jour son enseigne pour mettre en avant son aspect spectacle. Même si le feeling est excessivement variable d'une formule à l'autre, voire d'une table à l'autre, il y a la volonté d'attirer et de rassurer le public. Genre, viens par ici, on te ménage, tu vas pas t'emmerder. En effet, quel que soit le fun éprouvé à la table, on ne doit pas espérer que le public l'éprouve avec la même intensité sans jouer avec nous. Est-ce que c'est toujours du JDR? Ok, ça vaut le coup de se poser la question. Que ce soit sur les formats courts, à l'extrémité du spectre, mention spéciale à Monster of the Week The Spooky, où le verbe est propre, les moves lus studieusement à l'antenne, la mise en scène et le roleplay très poussé. Il faut avouer que la partie est jouée avec un souci du produit fini permanent, qui n'est pas très naturel. Et puis, il y a les lives, eux aussi très changeants d'une session à l'autre, mais où on est sans filet, à jouer pied au plancher, et où le moindre blanc à l'antenne est tabou. Quand tu joues en club ou chez tes potes, sans enjeu radiophonique, le rythme de la partie, son intensité, ne regarde plus que la tablée. Mais ce serait oublier par exemple la Spadarossa, où on jouait de manière naturelle, et où l'enregistrement de la partie fut fait uniquement pour faciliter les comptes rendus, et rien d'autre. J'ai un pote meneur, avec un style très sobre, très factuel, qui m'avait dit, et c'est recevable pour absolument tout ce qui se fait en actual play, le problème avec ton truc, c'est que les auditeurs vont penser que c'est une norme. J'ai aussi un autre camarade joueur qui m'a raconté comment ses compères en l'ont regardé de travers toutes les fois où il a poussé le roleplay et que son personnage a fait mine de prendre les choses à cœur. Le pauvre bougre avait eu pour toute réponse « Non, mais tu te crois où, là ?» Ce que 2D6 Plus Cool a envie de prêcher, c'est que non, ce n'est pas sale. Toute considération de montage et d'audimat mis à part, tant que personne n'en souffre naturellement, tu as le droit de vouloir croire à la fiction qui se joue. Tu as le droit de t'investir dans les émotions de ton personnage. Tu as le droit de mettre de l'énergie là-dedans. De jouer l'impact, cher Eugénie. D'aller au-delà de l'univers, de l'éventuelle mission en cours, pour tendre des perches et guetter celles tendues par tes camarades. De déléguer ou t'emparer de l'autorité narrative. De décrire les choses. De chercher une certaine équité à la table. Et que le meneur, quand il y en a un, puisse aussi s'autoriser le luxe de la surprise. Lever le pied, boire tes paroles. Tu as le droit de te vautrer dans l'ironie dramatique, avec délice. De décrire des choses hors champ, ou des actes, des émotions liées à ton personnage. Livrer à la tablée comme une audience, mais que les autres personnages, eux, ne peuvent qu'ignorer. Pourquoi le cinéma ou les romans en auraient le seul luxe? Ça n'a pas à être une pratique marginale. Il ne devrait même pas y avoir de normes en JDR. Quand je suis simple joueur IRL et que cela s'y prête, que cela ne fait tort à personne, une fois de plus, ou alors quand je mène, même en soirée d'initiation, je n'attends pas l'excuse d'un show et de followers à satisfaire pour jouer ainsi. Parce que c'est ma cam, tout simplement. Ce que je cherche à dire, c'est que cette façon de jouer est valable, légitime. Pas la seule recevable, manquerait plus que ça. Et si Plus Cool caste ses intervenants, pour minimiser les risques de malaise, maximiser l'osmose et le show, ça ne veut pas dire que ce genre de performance, si elle vous inspire, est hors de portée de votre table. IRL, en club, lors d'initiation, j'ai vu des profils effacés qui, une fois en confiance, arrivaient ainsi à lâcher prise et balancer les watts. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Toi-même, tu sais, Thomas, lors de notre première rencontre en Millevaux, je n'ai pas boudé mon plaisir. Est-ce que la performance, aussi caricaturale soit-elle, a été expressément décriée par les intervenants précédents? Pas vraiment. Est-ce que j'ai interprété des tournures de phrases, placé des mots dans la bouche de personnes à leur place, faisant fi du positif, avec un art dont Internet a le secret? Très probablement, et je m'en excuse par avance. Ceci n'était pas un coup de gueule, mais juste un plaidoyer pour une certaine paroisse. Plaidoyer que j'ai déjà dû déclamer dans des situations sans la moindre équivoque. D'ailleurs, histoire de revenir au sujet, dans le cadre d'un actual play, ce style n'est pas exempt de défauts. Il peut dénaturer un jeu et tromper l'auditeur sur la marchandise. La découverte restant la première raison d'un rôliste pour s'infliger un tel spectacle. On l'a déjà dit ailleurs, le célébrissime One Shot Podcast a déjà fait du tort à des jeux premier degré en les traitant comme des farces. Des farces ô combien divertissantes, j'avoue. Quoi qu'il en soit, la multiplication des actual plays reste une bénédiction. On ne peut pas rêver meilleure vitrine. Ils présentent toutes les déclinaisons de formes que peut prendre notre activité et sont une preuve de plus de l'âge d'or rôliste que nous traversons. Merci pour cette opportunité, et encore une fois, j'espère ne pas avoir eu de formule trop malheureuse. Au plaisir d'entendre les interventions à venir. Salut mesdames, messieurs, personnes non binaires. Voilà, c'est de nouveau Thomas Munier. Donc là, j'enregistre ma deuxième contribution au podcast Frankenstein sur les actual plays. Donc là, l'idée, c'est dans un premier temps, je vais finir en fait ce que j'avais entamé dans ma première contribution. Et s'il me reste un peu de temps, ensuite, je vais réagir un petit peu aux contributions des autres personnes. Donc j'avais fini ma première intervention en parlant donc de l'actual play en fait pour au niveau de son rapport avec le spectacle et avec l'immersion. Donc là je vais poursuivre à ce point-là. Donc on voit par exemple dans le podcast Role and Play, hein, donc où c'est des acteurs professionnels hein, qui jouent les personnages, on voit qu'ils jouent la joueuse, c'est-à-dire que la façon, tout leur jeu méta, notamment les remarques qu'ils font en confessionnal et tout, on sent que c'est y a de l'acting aussi en fait. C'est-à-dire qu'ils font pas de l'acting uniquement quand ils incarnent leur personnage, mais aussi finalement quand ils jouent. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans du jeu non enregistré. Hein. Et si pour aller plus loin, il y a Roleplay That Movie, où en fait on passe de l'actual play à la fiction rôliste. C'est-à-dire que dans Roleplay That Movie, tu vois des gens jouer à une partie de jeu de rôle qui reprend en fait l'intrigue d'un film. Tu réalises qu'en fait, au cours de leur partie, de façon un petit peu... le hasard fait qu'ils se remettent à jouer toute l'intrigue d'un film. Bon, c'était humoristique, hein. Mais en fait, du coup, tu vois bien que c'est une fausse partie de jeu de rôle en réalité, quoi. La partie, elle a été scriptée de A à Z. Quelque part, c'est quelque chose qu'on va retrouver IRL, d'une façon proche, avec par exemple le scénario de Happy Together où on joue des rôlistes. Il commence à avoir une sacrée mise en abîme là-dedans. Toujours au niveau de l'actual play comme spectacle,

Jeu et spectacle, une conférence au Stunfest, hein, qui est sur le podcast Ludologie. Donc ça parle surtout des Twitch de jeux vidéo, mais il y a vraiment des choses à prendre pour les actuels play de jeux de rôle. Et là-dedans, à nouveau, c'est une sorte de synonyme du jeu secondaire, mais ils ont cette notion de spectateur, qui est évidemment renforcée dans tous les actuels play où il y a participation du public. On l'a vu notamment avec Game of Thrones et Aventure. 2D6 plus cool le fait aussi un peu. Salut, c'est Felundra. Je me suis dit que pour ce deuxième tour, j'allais répondre un peu différemment. Alors, laissez-vous porter. Tout simplement. Allez, venez avec moi, poussez la vieille porte en bois. Les critos JDRI, ce sont mes parents qui l'ont mis. À l'époque, ils se parlaient autrement que par des oui mais. Il paraît qu'ils s'entendaient, moi j'aimerais bien que ce soit vrai. Près du feu, là c'est mon père, son vieux grimoire toujours ouvert. Il y prépare des histoires qu'il nous fait revivre le soir. Moi je trouve ça magique, ce talent fantastique. Mais dès que maman s'y met, c'est la cata assurée. Elle, ce qu'elle veut, c'est gagner, que son héros de papier ce soit un preux chevalier qui ne puisse jamais succomber. Alors quand papa lui dit qu'il aimerait des scènes jolies, vivre des émotions en grand, elle dit parle pas comme ça devant l'enfant. Parle pas comme ça devant l'enfant. Quand elle m'emmène à l'école, elle me dit « Tu sais les broles, ce que ton papa te raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. » Quand elle m'emmène à l'école, elle me dit « Tu sais les broles, ce que ton papa te raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. » L'important, tu vois mon grand, c'est de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. L'important, tu vois mon grand, c'est de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. J'ose pas lui dire que tout bas, moi je pense à mon papa, qui me dit en bordant mon lit, ta mère elle sait pas ce qu'elle dit. Moi j'ose pas lui dire que tout bas, moi je pense à mon papa, qui me dit en bordant mon lit, ta mère elle sait pas ce qu'elle dit. Des chiffres et des blagues, c'est tout ce qu'elle raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. Des chiffres et des blagues, c'est tout ce qu'elle raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. L'important, tu vois mon grand, c'est de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. L'important, tu vois mon grand, c'est de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. À les écouter, parfois je comprends plus, je reste quoi? Je me dis que si ils arrêtaient de voir l'autre crasseux et laid, si ils acceptaient d'essayer d'être bien à deux, positivés, ils auraient plein de choses à faire et le panneau du JDR, ils le planteraient dans tout le quartier. Ils le planteraient dans tout le quartier. Hier j'ai vu le voisin me regarder en hésitant puis se raviser. Maman l'avait initié à un univers qu'elle a créé quand elle avait terminé. J'ai vu papa pointer le bout de son nez et lui dire: écoutez pas ce qu'elle raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. Écoutez pas ce qu'elle raconte, c'est pas du JDR, c'est immonde. Moi je vous promets des scènes en grand et de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. Moi je vous promets des scènes en grand et de passer un bon moment, de résoudre des mystères et de survivre à l'enfer. Le voisin finalement est parti et je reste seul en JDRI. Pour échapper à papa et maman, j'enfouis la tête dans le vieux divan. Et là je me raconte mes histoires. Mais le faire tout seul dans le noir, c'est quand même moins bien. Salut, c'est Piouf. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis podcasteur depuis 2010 avec notamment le feu Bazingcast. J'ai créé il y a 2 ans le podcast d'Actual Play pour une poignée de dés, ou P1PDD pour les intimes, dont la 2e saison se termine en ce moment. J'ai aussi participé occasionnellement à Club JDR. Je vais vous parler de ma pratique du jeu de rôle en 2 mots pour que vous ayez un peu de contexte. Ma découverte du jeu de rôle et ma pratique pendant longtemps s'est faite sans règles, loin des manuels de jeu de rôle et des univers déjà préparés. Après cela, ma pratique a évolué plus classiquement, mais pour autant, je n'ai jamais joué à un scénario non maison, et très peu dans des univers non maison à l'exception de World of Darkness. Cependant, je pense que je reste paradoxalement un joueur de jeu de rôle très classique. La conséquence de tout cela est que je n'ai très peu de culture rôliste et que j'ai joué à très peu de jeux en réalité. Contrairement à beaucoup de créateurs d'Actual Play, je pense, je suis arrivé à l'Actual Play plus par le podcast que par le jeu de rôle. Cela faisait plus de 15 ans que je n'avais pas fait de jeu de rôle, en revanche, j'avais fait pendant de nombreuses années du podcast audio avec Bazingcast, qui a eu un grand succès en son temps. Dans ma démarche de création de P1PDD, je suis donc plus parti du podcast pour aller vers le jeu de rôle que l'inverse, et je pense que cela a une réelle incidence sur ma vision du média. Quelle est la place de l'Actual Play? Si on résume les interventions précédentes, celui-ci peut servir à... Pour les participants, simplement pouvoir jouer, il est en effet l'extension facile et naturelle du jeu de rôle en ligne qui permet une pratique plus facile. Il peut aussi être un prétexte à jouer pour ceux ayant besoin de renouveler leur motivation. C'est aussi une façon de donner de la postérité à ces sessions de jeu dont certaines scènes continuent d'alimenter les conversations nostalgiques plusieurs années plus tard. Pour les auditeurs, il peut être un substitut à une pratique qu'ils n'ont plus le temps de faire. Il peut aussi être un moyen de découvrir des jeux, d'autres façons de pratiquer le jeu de rôle. Il permet de promouvoir ce hobby, il peut être pour les auteurs une façon de faire la promo de son jeu. Pour d'autres, il est une activité conviviale pour faire la promo d'invités. Et enfin, il peut être vu comme un moyen de créer autre chose, et c'est ce dernier point qui m'intéresse. En effet, la principale fracture pour moi se trouve entre ceux qui aiment avant tout le jeu de rôle, et qui l'enregistrent pour l'une des raisons évoquées précédemment, et ceux comme moi, et j'ai l'impression Fibre Tigre, qui certes aiment le jeu de rôle, mais qui ont un objectif principal de créer un contenu pour le spectateur, un spectacle peut-être pour Game of Rolls, et une fiction sonore pour mon podcast pour une poignée de dés. Personnellement, mon objectif avec le live play n'est donc pas de jouer au jeu de rôle, mais d'utiliser celui-ci comme un moyen de création originale d'une fiction sonore pour une personne extérieure. Mon client principal est donc avant tout l'auditeur. Le live play tel que je le pratique me permet de relever un challenge de création, celui de créer une fiction intéressante pour le spectateur, mais sans la maîtrise totale du script et des dialogues. Je rejoins Fibre Tigre sur l'infinie richesse du jeu de rôle comparée aux limites des films et séries. Avec le live play, mon objectif est de réussir à insuffler cette richesse dans une création narrative intéressante pour le spectateur. Ce dernier prend, je pense, en effet, un plaisir décuplé à voir se dérouler une fiction dont il sait que l'auteur n'a pas simplement eu à écrire l'histoire en tant que puissance omnisciente sur les réactions des personnages et les hasards des actions. Cela rejoint probablement mon approche assez libérale du jeu de rôle et mon goût particulier pour le PVP. Le jeu des personnages est aussi beaucoup plus intéressant pour le spectateur car ils ont un réel libre arbitre dans l'histoire. Cela permet de créer pour moi une sorte de fiction très réaliste, quelque chose d'assez unique. Alors certes, dans ce cas-là, on efface certaines composantes du jeu de rôle au profit de la narration, explication de règles, jet de dés, débat technique, etc. C'est un choix clair qui peut peut-être biaiser l'image du jeu de rôle. L'intensité du montage est d'ailleurs un indice flagrant de l'objectif de l'auteur. Ceux qui auront pour objectif de s'amuser et jouer ne couperont rien, ceux qui souhaitent faire découvrir un jeu ne couperont pas les explications de règles ou les jets de dés, alors qu'enfin, ceux qui souhaitent créer un récit pour l'auditeur comme moi couperont plus drastiquement. Pour résumer, en faisant quelques recherches, on se rend bien compte qu'il y a une forte hétérogénéité des styles de l'Actual Play. Et cela s'explique en fait par des motivations très différentes derrière cette pratique, et non simplement une différence de niveau de qualité. Les objectifs sont différents, les priorités sont donc différentes. Jouer beaucoup pour son fun perso, faire découvrir, tester plein de systèmes de jeu, donner de la postérité à ses parties, créer un spectacle live ou une fiction. Par-dessus la richesse déjà immense des différentes pratiques de jeu de rôle, s'ajoute donc celle des différents types de live play, et c'est une bonne nouvelle. Le défi va être de réussir à guider les auditeurs vers les contenus qui leur conviendront dans cette jungle du mot-valise Actual Play. Peut-être devrions-nous enrichir le vocabulaire de ce nouveau contenu en définissant des termes plus précis pour chacun des types de contenus. Merci Thomas pour cette opportunité de présenter mon point de vue et merci à tous les autres participants pour leurs explications qui m'ont moi-même aidé à y voir plus clair dans ma pratique. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Jean-Michel Abrassard et je suis l'hôte du podcast Club JDR, qui est un podcast d'actuel play consacré principalement à l'appel de Cthulhu et à l'anneau unique, pour l'instant en tout cas. On a aussi fait une campagne GURPS à un moment donné. Le podcast existe environ depuis 7 ans. Je n'ai pas vérifié la date exacte, mais ça fait un moment que je réalise ce podcast. C'est un des plus vieux, enfin je pense que c'est le plus vieux podcast en français d'actual play ou de live play. Évidemment, j'ai découvert ce média, on va dire. Déjà parce que je faisais du podcasting avant, j'ai un autre podcast qui s'appelle Scepticisme Scientifique et qui est consacré à la pensée critique ou à la zététique. Et donc j'écoutais déjà pas mal de podcasts en anglais sur ce même sujet. Et puis un jour j'ai découvert des podcasts d'actual play en anglais. Et donc je suis particulièrement fan d'un podcast qui s'appelle Skype of Cthulhu. Et donc au lieu d'être l'appel de Cthulhu, c'est le Skype de Cthulhu. Et forcément j'ai eu envie de faire aussi un podcast. Et qu'est-ce qu'apporte, selon moi, les actual play ou les live play au jeu de rôle? Ben, c'est simplement que c'est un outil formidable pour faire la promotion du jeu de rôle. Alors, il se fait que pas mal d'actual play se sont orientés, tendent à devenir un peu des audiodramas, comme ça, des émissions où, en fait, le jeu de rôle est utilisé, mais pour finalement fournir un produit qui est plutôt une sorte d'émission radio, enfin un audiodrama, donc une sorte de un programme enregistré avec une histoire qui est cool à écouter. Tandis que mon podcast n'est pas comme ça. Mon podcast, quand je l'ai créé, Club JDR, au départ il s'appelait aussi Par-delà les montagnes hallucinées, qui est le nom de la première campagne qu'on a jouée. Donc maintenant on a changé le titre pour être plus généraliste, ça s'appelle Club JDR depuis quelques années. Quand je l'ai créé, mon but c'était vraiment d'être le plus naturel possible. Contrairement à beaucoup de podcasts de live play ou d'actual play, au lieu d'opter pour la méthode Skype, bon je fais aussi du Skype, mais au départ on avait vraiment l'idée de mettre un micro au milieu de la table et d'enregistrer la table telle qu'elle se vit de manière la plus naturelle possible. Y compris on entend les joueurs qui mangent parfois et voilà, on entend la sonnette qui sonne à la maison quand le livreur de pizza arrive, etc. Donc il y a tous ces détails extrêmement naturels. Le but c'est que les auditeurs, c'est comme s'ils étaient à la table de jeu avec nous, ils ont vraiment la même expérience. L'auditeur est le sixième joueur du groupe, enfin le joueur excédentaire qui est présent à la table à côté de nous. Simplement il n'a pas de personnage, mais il peut écouter la partie telle qu'elle est vécue d'une façon très naturelle. Bon, ceci dit, évidemment j'édite quand même pour améliorer l'audio ça arrive. Mon but en fait finalement c'est que les joueurs oublient que le micro est sur la table, et honnêtement je pense que ça leur arrive, ils parlent comme... Je pense pas que la présence du micro change leur manière de jouer par rapport à ce qu'ils feraient si le micro n'était pas là. Bon, quelque part dans le fond de leur tête, ils savent que ils savent qu'il y a un micro qui les enregistre, mais oui, ils sont très naturels. Alors bon, parfois la seule chose que je vais éditer, c'est si jamais ils abordent un sujet privé, évidemment. Je vais l'enlever, mais la preuve c'est qu'ils le font parfois en partie, ils vont se mettre à évoquer des choses, des difficultés dans leur vie de famille, etc. Et là je l'enlève, mais tout le reste c'est vraiment la partie dans l'état la plus brute, comme si vous étiez à la table de jeu avec nous. Et je pense que c'est ce qui fait la spécificité de mon podcast, et je préfère ça à l'approche audiodrama. J'ai rien contre l'audiodrama, hein, mais je préfère en écouter qui sont réellement à 200% des audiodramas, donc des gens qui sont spécialisés là-dedans. La H.P. Lovecraft Society, la société lovecraftienne, là, ils réalisent des audiodramas d'histoire de Lovecraft qui sont extrêmement professionnels et super bien faits. Donc j'apprécie ça, mais le but de mon podcast, ça a toujours été de faire partager ma passion du jeu de rôle avant tout. Et qu'est-ce que ça apporte par rapport au monde du jeu de rôle? Ben, c'est parce que quand moi j'ai commencé les jeux de rôle, il y a une trentaine d'années, Ça fait exactement 30 ans. Bah, quand on est un jeune joueur, hein, quand on est adolescent et qu'on découvre le jeu de rôle, avant, bah, on ne savait pas très bien comment jouer. La manière dont on découvre comment on maîtrise une... Bon, on est supposé lire le livre, mais c'est assez difficile quand on lit juste le livre de savoir comment jouer. Alors on devait aller dans un club et avoir un meneur plus expérimenté qui vous prenait comme joueur, et donc vous découvriez comment on jouait. Mais si vous êtes dans un coin reculé ou qu'il n'y a pas de club près de chez vous, ou que vous n'avez pas de point de référence et donc vous ne savez pas quelles sont les bonnes pratiques, etc. Vous avez, évidemment, dans les manuels, ils essayent de mettre des exemples de jeux, etc. pour fournir ce genre de matériel, mais c'est quand même très difficile à faire à l'écrit. Tandis qu'un podcast, c'est parfait pour ça. Et donc, moi, mon podcast, dans ma tête, il s'adresse vraiment à un joueur adolescent. Je dirais, moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 12-13 ans, mettons. Et il se dit, je voudrais jouer à l'Appel de Cthulhu, ou je voudrais jouer à Pathfinder, ou je voudrais jouer à The One Ring, je voudrais jouer à GURPS, qui sont les divers jeux que j'ai proposés sur mon podcast jusqu'à présent. J'ai proposé 2-3 autres choses aussi, mais... Et il tombe sur mon podcast et il peut juste écouter la partie et voir comment moi je maîtrise. Alors je dis pas que je suis le meilleur maître du jeu de la planète, hein, mais il a quand même un point de référence. Ça lui montre comment on peut maîtriser, comment un meneur de jeu expérimenté peut maîtriser. Et d'ailleurs, il peut apprendre de mes points forts, mais il peut aussi apprendre de mes erreurs et voir comment là où quand je maîtrise mal, parce que évidemment ça m'arrive de mal maîtriser, il peut voir comment aussi on peut se tromper. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment l'idée d'offrir ça aux joueurs, aux meneurs de jeu débutants. Et d'ailleurs, je pense qu'au fil des années, j'ai entendu souvent des gens qui m'ont dit « j'ai eu l'envie de reprendre le jeu de rôle à cause de toi, j'ai eu envie de maîtriser à cause de toi, parce que ça leur a redonné le goût ». Et je pense que c'est ça, le fait d'écouter un autre meneur de jeu, bon, on a tous notre style, hein, donne des idées. Et moi-même, quand j'écoute, par exemple, Skype of Cthulhu, qui est mon préféré en anglais, il y a différents meneurs de jeu sur ce podcast-là, mais donc voilà, je vois, ah, ils maîtrisent ça comme ça, etc. On grappille des idées, on grappille des concepts, on grappille des manières de faire, on grappille des house rules, des règles maison. Et donc, ça, en fait, écouter un podcast, même pour un meneur de jeu expérimenté, donc là, j'ai parlé d'un meneur de jeu débutant, mais même pour un meneur de jeu expérimenté, c'est super intéressant pour améliorer son style ou pour se donner des idées, particulièrement quand on veut découvrir un nouveau jeu. Par exemple, il y a quelques années, je me suis lancé dans l'Anneau Unique, comme je l'ai dit, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement été chercher des actual plays en anglais de l'Anneau Unique pour m'immerger dans l'univers et voir comment les autres meneurs de jeu géraient la chose. Donc c'est un outil formidable, je pense, pour les différents meneurs de jeu de pouvoir voir comment ceux qui ont déjà fait l'effort d'assimiler un jeu et de le maîtriser, le font. Et puis voilà, voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien quand on les écoute, hein. Donc quand on écoute des meilleurs meneurs de jeu de soi-même, bah, ça donne des bonnes idées. Et puis quand on écoute des moins bons meneurs de jeu, on se dit, faut vraiment pas que je fasse comme ça. Bon, évidemment, ça, un podcast de live play, c'est aussi bien pour les gens qui n'ont pas de groupe et qui veulent écouter, ou les gens qui sont passionnés, soit par l'univers de l'Appel de Cthulhu, ou l'univers du Seigneur des Anneaux, et qui ont envie de s'immerger dedans, comme moi je le fais. Mais vraiment, je pense que ce que ça apporte le plus, le podcasting, à la communauté des rôlistes, c'est ça, c'est de montrer, d'être un modèle pour des meneurs de jeu débutants, et même pour des meneurs de jeu plus avancés, lorsqu'ils découvrent un nouveau jeu, par exemple. Et c'est pour ça que la transformation du podcast d'Actual Play en émission radio, comme ça, où c'est plus stylisé, ça me dérange, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, parce que pour être un bon modèle pour un autre meneur de jeu, il faut qu'il entende la partie telle qu'elle se déroule pour de vrai à ma table, et pas quelque chose que j'ai retravaillé en rajoutant des effets sonores, etc., ou en enregistrant des voix off, ou... ce qui évidemment rend l'écoute peut-être, enfin certainement, plus agréable si c'est ça qu'on cherche, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est proposer le produit, finalement, l'expérience la plus brute possible, en disant voilà comment ça se passe à ma table, et inspirez-vous-en pour vos propres parties, inspirez-vous de comment moi je fais des scénarios que je joue, de mon style de maîtrise, prenez ce que vous aimez, ne prenez pas ce que vous aimez pas,

Fibre Tigre ou même Volsung, affirment utiliser les actual plays comme un moyen de s'exprimer, de partager, d'inspirer. Ils en font un moyen d'expression artistique. Il est d'ailleurs question d'acting, d'émouvoir les auditeurs, de parties brutes ou montées. Felondra et Angel Dust évoquent le jeu de rôle comme une création éphémère, un happening en sorte. Le jeu de rôle deviendrait donc un art pouvant faire l'objet d'études, et les actual plays seraient un type particulier de cet art. Donc pour moi, les actual plays sont ce que l'escrime de cinéma est à l'escrime de compétition et de club. Une discipline à part et un spectacle. Les actual plays sont une nouvelle discipline du JDR, avec ses codes, ses intentions, ses rythmes, ses responsabilités, comme le souligne Thomas. En cherchant à grossir le trait, je dirais que les actual plays sont comme le catch. Du JDR pour les participants, un spectacle pour les auditeurs, une création artistique pour le metteur en scène ou le réalisateur. La question de Thomas, en début de ce podcast, était « En quoi les actual plays ont transformé le JDR ?» Je répondrai « Ils l'ont transformé en plantant un nouvel arbre dans la forêt du jeu de rôle. Celle-ci vient de s'agrandir une fois encore et devient plus large dans ses moyens d'expression. Le jeu de rôle sur table, en ligne, le grandeur nature, le jeu par forum, épistolaire, et maintenant en spectacle. Notre loisir continue d'évoluer, et une fois que ces pionniers auront défriché de ces nouveaux horizons, certains viendront l'occuper, tandis que d'autres l'étudieront pour comprendre encore mieux ce qui se passe lorsque nous jouons des rôles. Je vous remercie de votre écoute, je remercie chaleureusement Thomas et tous les autres participants pour avoir exprimé leur opinion, et ainsi avoir enrichi ma pensée, et je l'espère celle des auditeurs. Nous allons revenir sur la péniche et sur la guerre du saucisson, car Sona a une part spéciale. La guerre du saucisson. La guerre du saucisson. Je vais simplement commencer. Si ça recommence avec Norgrim le nain, qui dit au maître de jeu, je m'achète le plus gros et le plus beau saucisson. Ok, ça te coûte toute la ville. Une couronne d'or, ce qui est un an de recettes pour un paysan. C'était le genre le saucisson qui était prévu pour le duc du coin. Voilà. Et il en est super fier, il le cache dans sa cale, dans la péniche. Mmh. Mais là-dessus, il y a une dispute. Il y a une dispute, je sais plus sur quoi tenait la dispute. Mais en gros, de toute façon, on se prenait la tête avec le nain tout le temps. Ouais. Pour tout et n'importe quoi. Mais là, la dispute s'envenime, et le nain dit à un moment, en bon joueur, mec qui joue son nain, « Ah bah c'est comme ça, je me casse, je reste pas sur votre péniche, je prends mon... sur votre pénis. » Sur votre péniche, je prends mon... Poney, il avait quoi hein. Il avait un baudet, il avait un poney. Ouais, ouais. Et vous me débarquez et je vais chevaucher le long de la berge. Et je... Mais je veux pas rester sur votre péniche. Voilà. Et il oublie son putain de saucisson sur le bateau. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement réaliste, mais les choses sont jouées comme ça. C'est-à-dire que nous étions sur la péniche qui longeait un chemin, qui était sur la rivière, qui longeait un chemin sur lequel... Le nain était avec son poney ou son baudet. Et donc, nous étions tout le temps côte à côte. Et on lui lançait des insultes. En mangeant son saucisson. Et donc, voilà. Et nous avons été chercher ce saucisson. Et on mangeait, on lui lançait des pots. On lui lançait les pots. Et il était hors de lui, car c'était son saucisson. Je crois qu'à un moment, je suis plus sûr de comment ça s'est passé, mais il était question qu'on ne le laisse plus du tout monter sur le bateau parce qu'il voulait nous tuer. Oui. Le nain voulait nous flinguer. Parce qu'on avait mangé son saucisson. Et c'est tout à fait logique. On ne mange pas le saucisson d'un nain. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans la suite de l'aventure du podcast Frankenstein de Thomas Meunier pour l'Outsider. Ici Guillaume du blog homo-ludis.fr. Je fais cet enregistrement après avoir écouté les participations des autres participants, mais sans avoir écouté les réponses qui y ont été faites. Je trouve hyper intéressante ces participations et ça m'a amené à une synthèse que je vais vous livrer maintenant. Alors ça n'a pas changé fondamentalement mon avis sur les actual plays, mais on va dire que ça a infléchi ma réflexion en leur donnant un nouveau regard et un nouvel angle de vue. Toujours est-il que je vois deux axes principaux. Tout d'abord, c'est la découverte. C'est un usage que je n'avais pas vu venir, alors que quelque part, il tombe sous le sens. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai écouté peu d'actual plays, tant ceux-ci m'ont rapidement rebuté, et du coup je pense que là-dessus, je suis passé à côté de quelque chose. Or, c'est clairement un excellent outil pour se faire une idée d'un jeu ou d'un style de jeu que l'on souhaite découvrir. Par exemple, sur mon blog, on avait creusé l'idée de ne pas donner à un PJ la quantité de dégâts qu'il subit, mais simplement une description de la blessure. Par exemple, on peut très bien avoir une blessure légère, mais qui paraît spectaculaire. Si on s'ouvre l'arcade, on est couvert de sang, mais tout va bien. Ou au contraire, on peut très bien mourir d'hémorragie interne sans même s'en rendre compte. Donc typiquement, au lieu de dire à un PJ « tu as pris 6 dégâts », on lui dira « le coup t'a jeté au sol, tu ne sens plus ton bras droit, tu as du mal à te relever ». Par exemple. Un MJ peut trouver l'idée intéressante, ou pas, mais être frileux à l'idée de se lancer dans sans savoir ce que cela peut donner. Ici, un let's play, ou plutôt un actual play d'ailleurs, mettant en scène l'utilisation d'un tel dispositif peut aider à prendre une décision. Dans une partie ordinaire s'entend, et non pas dans une explication en quelques minutes du point de règle comme je vous l'ai fait juste avant. Comme ça, cela permet de voir en situation réelle à quoi peut ressembler telle ou telle idée de game design. Ça, c'est une chose que je trouve intéressante. L'autre chose que je trouve intéressante dans l'idée de découvrir, c'est bien entendu de découvrir un jeu. Car un actual play, c'est aussi un moyen pour un auteur ou un éditeur de présenter son jeu à sa manière. C'est-à-dire que l'auteur peut ainsi transmettre exactement ce que lui voit et entend, et comment il a conçu le jeu, et à quoi il a pensé que cela devait ressembler. Et ce que je trouve parfois, enfin moi je vous l'ai déjà dit dans des articles sur mon blog, jouer avec l'auteur d'un jeu est donc l'accès à la vision de celui-ci, ce que je trouve très intéressant. Cependant, n'oublions pas que je ne connais pas un seul jeu de rôle qui ne dit pas dans ses règles, ou du moins dans son livre, que les règles sont justement là pour être interprétées, utilisées, et ne sont finalement que des guides à une aventure. Aussi, chaque jeu, chaque partie est bien entendu unique et différente. Ensuite, à l'instar des let's play et des tests vidéo dans le monde du jeu vidéo, justement, un actual play est aussi un très bon outil d'aide à la décision pour un achat de futurs jeux de rôle. On le sait, certains jeux de rôle coûtent cher ou sont compliqués à trouver. Aussi, il est tout à fait naturel qu'on cherche à savoir à quoi ressemble le jeu. Comme par exemple le fait plutôt Julien Poire, fournir à chaque jeu réalisé un exemple de partie filmée ou enregistrée est une très bonne idée en tant que support de diffusion. Cela a quelques limites, notamment le fait que, comme j'ai dit avant, chaque partie est différente. Si moi je vous fais jouer le scénario A du jeu X, ce sera une expérience différente que celle que l'auteur avait du même scénario et du même jeu, qui sera différent de la partie que vous ferez, vous, avec votre table, et dans un contexte différent. Je trouve donc très intéressant, et j'aimerais que ça se fasse peut-être plus à l'avenir, que au moins chaque éditeur qui édite un jeu, ou chaque auteur, propose en parallèle de la sortie de son jeu, des capsules de quelques minutes, ou des parties plus longues, qui expliquent et qui présentent le jeu, qui reviennent sur certaines spécificités, disons par exemple le système de combat spatial dans tel jeu, pour un petit peu présenter et qu'on puisse savoir où on met les pieds sur le plan du pur game design. Après, soyons honnêtes, nous connaissons tous des rôlistes qui, la première chose qu'ils font une fois qu'ils ont acheté un jeu, c'est d'en détourner les règles, c'est de les modifier, c'est de les changer, pour en faire le jeu à leur sauce. Ce qui est donc un usage différent que celui que l'auteur et l'éditeur en ont prévu. Le problème avec cette approche, c'est que ce que je vois n'est pas ce que je vais faire. Voir une partie d'un jeu ne veut pas dire que mon expérience du jeu sera la même, bien au contraire, comme je vous l'ai dit précédemment. L'autre grand axe que je voulais aborder, c'est l'idée de la spécificité du média. C'est, je pense, la donnée clé du débat. Au risque d'enfoncer les portes ouvertes, un jeu de rôle présentiel n'est pas un podcast audio, qui n'est pas une vidéo. Ce qui amène des choses intéressantes. Ça amène des questions. Par exemple, est-ce que dans un jeu de rôle, monter, c'est trahir? Est-ce que jouer la comédie comme un comédien, c'est-à-dire entre guillemets bien, ou en faisant entre guillemets des tonnes, est-ce que c'est trahir? Et bien sûr, la question ultime, qui revient très souvent dans beaucoup de discussions, à quel moment on ne fait plus du jeu de rôle? Donc cela amène du coup à penser une partie destinée à être enregistrée, en vidéo ou en audio, montée ou non, différemment d'une partie qu'on proposerait dans la vraie vie. Encore plus, il est prévu une participation en direct du public. Ce qui pose bien sûr la question de l'écoute en différé, de l'expérience que cela va donner. On est donc dans une approche paradoxale. C'est-à-dire qu'on veut que les actual plays soient des portes d'entrée au jeu de rôle. Ce qu'ils sont, et ce qui est souhaitable. Mais cela représente aussi une version du jeu de rôle qui n'est pas celle qu'ils rencontreront dans la vie réelle. Ce qui peut créer en fait une sorte de dissonance entre l'attente et la réalité. Donc en fait, pour conclure et pour synthétiser tout ça, comme je l'ai dit avant, en fait, l'apport des actual plays, que ce soit en game design ou dans le monde du jeu de rôle, est vraiment intéressant et est utile. Et à l'écoute de ce qu'ont dit mes camarades, j'ai bien envie de me faire violence et de me replonger dans ces programmes. J'ai envie d'avoir tort. J'ai envie de m'être trompé sur les actuelles plaies. Et comme on dit parfois, ben, je ne demande qu'à aimer. Pourtant, je pense quand même que le phénomène doit être surveillé, car il n'est plus finalement qu'une facette du jeu de rôle. Comme le jeu de rôle par forum est une facette du jeu de rôle, comme le grandeur nature est une facette du jeu de rôle, comme le jeu de rôle papier est une facette du jeu de rôle. En fait, le jeu de rôle, pour moi en tout cas, est un tout composé de tous ces éléments. Donc, il doit être un petit peu observé, l'actual play, comme étant une nouvelle part qui vient s'inscrire dans un tout. Parce que sinon, on risque d'arriver à des situations compliquées. Donc par exemple, pour prendre un exemple un peu extrême, on peut dire que l'actual play est au jeu de rôle ce que le cinéma est au théâtre. Enfin, ou plutôt, de façon peut-être plus précise, ce que le théâtre est au théâtre d'improvisation. C'est-à-dire une discipline très proche, très connexe, mais avec des différences sensibles qui font que si l'on aborde l'un en ne connaissant que l'autre, cela peut être déroutant. Alors que les deux restent bel et bien du théâtre. Et donc, si vous êtes un rôliste vieux de la vieille, avec votre ADD depuis 20 ans et la même table depuis 20 ans, si demain on vous met une caméra et que vous faites un actual play, vous allez être dérouté. Et à l'inverse, si vous ne faites que de l'actual play scripté, monté, dans une super ambiance, ou que vous ne faites que regarder des actual plays, dans une table ordinaire, vous risquez d'être dérouté. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Car tout n'est jamais qu'une histoire d'adaptation. Et, bien entendu, d'évolution du milieu. Je pense que c'est une évolution qui était prévisible et qu'il faut embrasser comme toute évolution qui est quand même plutôt positive pour le média. C'est donc comme ça que je conclue mes deux interventions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Merci aussi à Thomas Munier pour cette idée extrêmement intéressante. Et j'espère que le tout sera relativement digeste et que cela pourra se reproduire, car l'idée est vraiment excellente. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur homo-ludis.fr, et je vous dis à bientôt. Tout de suite, on écoute Noémie Rock, qui est titulaire d'un master recherche en sociologie générale. Son mémoire de master 2 portait sur les impacts des outils numériques sur la pratique du jeu de rôle dématérialisé. Elle suit actuellement le Master 2 Sciences de l'éducation, spécialité Sciences du jeu à Paris 13, en vue de préparer une thèse sur les pratiques ludiques filmées et diffusées sur Internet. Ah voilà, je suis enrhumé de ouf. Heureusement que j'ai déjà fait mes contributions. Tout de suite, on écoute Noémie. Anne-Christine Volkel, dont Jouer ensemble, approche biographique dans Loisir le jeu de rôle en 1995, souligne l'aspect confidentiel du jeu de rôle sur table, qui se déroule à l'intérieur du domicile, en club ou encore plus rarement lors d'événements festifs tels que les conventions. Je la cite. Le jeu de rôle est peu connu cependant. Il est tourné vers l'intérieur, pratiqué par de petits groupes dans l'intimité du domicile privé. Il échappe à la connaissance informelle que tout acteur social peut avoir des activités des autres. La pratique du jeu de rôle, qu'elle soit dématérialisée ou en coprésence physique, est observable depuis quelques années, et va même jusqu'à se mettre en scène. En effet, les joueurs, la plupart du temps le meneur de jeu, filment leurs parties et les diffusent sur les plateformes de diffusion, YouTube en tête. Les résultats que je présente proviennent de trois enquêtes, deux menées au cours de deux Master 2 en sociologie et en sciences de l'éducation, et la troisième est une enquête collective en 2018 par questionnaire sur les vidéos de jeux de rôle diffusées sur Internet. Trois items de ce questionnaire étaient en réponse libre, j'ai donc recueilli et analysé une partie de ces réponses sur un mode qualitatif. Je me concentrerai ici, non pas sur la spectacularisation comme manière de rendre intelligible et intéressante la partie à un public parfois non initié au jeu de rôle, mais sur la spectacularisation comme porteuse de propositions ludiques. Je m'inscris dans une démarche visant à revaloriser les apprentissages informels, c'est-à-dire les apprentissages qui se déroulent hors du cadre institutionnel. Et je mets l'accent sur le fait que l'attitude ludique, à comprendre comme la manière d'être au jeu, est également un apprentissage. En ce sens, les actual play de pratique ludique donnent à voir une manière de jouer. La pratique la plus voyante des actual play est celle endossée par les professionnels de la vidéo web, et donne l'occasion d'interroger l'oscillation permanente entre le maintien de la figure de personnage public du youtubeur et du contenu qu'il présente habituellement, et les contraintes spectatorielles de son métier. Quiconque a déjà regardé une vidéo de jeu de rôle s'est rendu compte que le jeu, au sens où Huizinga l'entendait, c'est-à-dire le cercle magique, dans lequel le présent, autre que le jeu, est absent, n'existe que très peu. Les apartés méta-jeux, comme les questions des joueurs meneurs, les adresses au public imaginées, ou les blagues échangées oralement ou sur le chat de la table virtuelle, sont légion.

Salut à toutes et à tous, Samuel Zitterman, ou Sam, comme vous voulez. Je tiens une chaîne YouTube où je propose des actual play sur du Donjons Dragon, sur The Dungeon World, sur du The Sprawl, donc je suis assez... On dit quoi? On dit rôliste flexible, histoire de rester dans les appellations à la con. Peu importe, j'ai répondu à l'appel lancé par Podcast Outsider. Il lance une nouvelle série de podcasts qu'il intitule Frankenstein. Vous vous doutez, c'est une série qui proposera des agglomérats d'interventions de différentes personnes pour former un épisode complet. Et donc là, le sujet est comment les actual play transforment le jeu de rôle. Donc bien évidemment, je vais tenter d'y répondre. Alors normalement, ça se faisait en deux étapes. Un premier tour où chacun faisait des interventions. Un deuxième tour où on écouter les interventions des autres pour proposer une nouvelle intervention. J'ai rien fait de tout cela par manque de temps. J'ai pas trouvé une excuse parce que ça ne servira à rien, il ne vaudra pas grand chose. Donc allons-y. Avant de traiter le sujet de manière pure et dure, je pense que je vais digresser un petit peu sûrement au cours de l'intervention. Y a une chose qui me tient à cœur et qui fait sens pour moi quand on parle d'actual play et de jeu de rôle, c'est l'intérêt qu'a cette pratique. C'est d'abord de démystifier le jeu de rôle, le MJ dans son rôle majeur, rendre la pratique moins intimidante et la démocratiser. Je pense qu'il est grand temps de descendre de son piédestal le maître de jeu et toute l'aura qu'il peut y avoir autour, très intimidante pour des débutants, je pense. Les actual play justement permettent de démontrer que c'est accessible finalement. Si on le fait de la bonne manière, voilà, pas besoin de grand chose, il faut juste des idées, des amis, et puis on joue, quoi, c'est tout. Donc pour moi, ça, c'est vraiment cette idée-là de partage, de diffusion et de démystification. C'est vraiment l'atout essentiel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler aussi de l'intérêt de l'écoute et du visionnage. J'entends à droite à gauche dire que ça ne sert à rien les actual play, c'est chiant, et pourquoi ils font ça, et pourquoi ils ont tel ego si surdimensionné, etc. Je vois pas pourquoi il y aurait des choses qui cartonnent en termes de films et séries avec des choses pré-écrites, et à côté des parties de jeux de rôle avec des belles improvisations, etc., qui n'auraient pas leur public, qui ne trouveraient pas leur cœur de spectateurs. Pour moi, ça me semble impensable, tout particulièrement avec les jeux propulsés par l'Apocalypse, j'y reviendrai plus tard, je trouve que ça s'y prête énormément. Côté audience et visibilité, le but c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit plus haut, plus en avant, c'est faire découvrir la pratique, créer des vocations, donner envie. Après tout, on trouve de tout sur Internet, on trouve même des gens qui font des retours de course, c'est-à-dire des gens qui vont dans un putain de supermarché, qui achètent des boîtes de conserve, ils rentrent chez eux, ils se filment et ils disent aux autres « Regardez ce que j'ai acheté ». Merde quoi, je pense qu'on peut proposer nos parties de jeux de rôle et être tout à fait légitime à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là quoi. Pour en revenir au cœur du sujet qui est comment les actual play transforment la pratique du jeu de rôle. Pour moi, le point positif des actual play, c'est une certaine rigueur, un certain rythme. Je veux dire, quand moi je fais énormément de live, je fais que ça, toutes mes parties depuis quelques mois sont toujours en live, à part 2-3 escarmouches IRL. Du coup, quand on est en live, quand on veut, entre guillemets, plaire aux spectateurs, on est obligé d'insuffler une certaine rigueur, un certain rythme, sinon on se vautre, quoi. Je veux dire, si c'est chiant comme la pluie, au bout de 5 minutes, on n'a plus personne qui regarde, quoi. Donc, je pense que cette notion-là, donc, de rythme et de rigueur, peut permettre de tirer vers le haut la qualité des parties. Bon, mais en réponse, certains vont répondre « Oui, ben nous revoilà dans le cul de la performance, c'est tellement 2018, nanana. » Oui, peut-être. Mais j'ai envie de dire, mais tout est performance. Perso, quand je me lance dans un loisir, dans une passion, j'ai pas spécialement envie de le faire à moitié. Voilà. Bon, on peut très bien être léger, s'amuser, etc. On peut aussi avoir envie de bien faire les choses. Les deux ne sont pas incompatibles pour moi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Et je pense que la grande transformation peut venir de là, dans le sens où il y a des jeux qui sont clairement nocifs aux actual play. Perso, écouter un actual play où les mecs passent 50% du temps à faire des calculs d'alchimistes pour savoir combien de points de vie ils ont enlevé à l'ogre, non merci quoi. Voilà. Moi ce que je veux c'est des rebondissements, de l'aventure, etc. Et c'est pour ça que je reviens au jeu propulsé par l'apocalypse, même si je suis novice en la matière. Pour moi c'est vraiment un système qui s'applique parfaitement à cette pratique, dans le sens où les rebondissements sont légion et l'improvisation aussi. Rebondissement, improvisation, c'est vraiment ce qui plaît aux gens, je pense. Il peut aussi y avoir la construction du scénario, comment le maître de jeu va tisser sa toile pour essayer d'amener les joueurs dans sa fabuleuse histoire. Ça aussi, ça plaît, c'est sûr et certain. Mais si c'est pour écouter une histoire qui est sur des rails du début à la fin, ben je regarde un film ou une série, quoi. Voilà. Concrètement, j'ai du mal à pas à saisir l'intérêt, mais je pense qu'il faut quand même créer de la surprise pour susciter l'envie et l'écoute. Après tout, on fait ça pour l'envie et l'écoute, sinon on le ferait pas. Bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font ça pour d'autres raisons, mais je ne vois pas. Je vais parler des moyens, parce que c'est sûr qu'il y a des, comme toute pratique, il y a des effets pervers, c'est sûr et certain. Pour moi, je vais revenir sur la performance. On peut être tenté de courir vers la performance, faire toujours plus, toujours mieux rythmé, toujours plus de rigueur, courir vers l'audience, faire à tout prix plaisir aux spectateurs, tout cela au détriment du fun de la table, de la spontanéité, de ce qui fait la base en fait de la pratique du jeu de rôle, qui est avant tout un échange social en groupe autour d'une table. Et je pense que le défaut majeur peut-être là, c'est oublier cela et s'en priver en fait. Je pense que pour être sincère et apprécié, il faut être naturel, et c'est un peu vrai dans toutes les relations sociales. Et si on oublie ça, ben ça marche pas. Voilà. Autre chose, je pense que les actual play les plus influents peuvent amener à un lissage, à un formatage de la pratique, dans le sens où on peut tomber dans des travers en imposant sa vision, sa manière de jouer. Finalement, ce qu'on voulait démystifier, ben on casse tout ça et on revient sur un carcan immuable parce que on est un actual play le plus regardé, le plus influent, et du coup on oublie ce qui peut se faire à côté et qui est tout aussi bien. Voilà, donc l'autre piège ça peut être ça. Et pour moi le dernier point négatif, c'est le problème avec l'interaction, le problème de l'interaction avec les spectateurs. Clairement, c'est vraiment un souci en étant tout le temps en live. Bon, peut-être moins pour ceux qui font des actual plays enregistrés et montés et qui diffusent comme ça. Mais quand on est en live direct, le souci d'interaction est vraiment majeur. Et pour moi, il faut trouver un juste milieu pour essayer de pallier à ça. Parce que bon, les gens viennent regarder et j'avoue que c'est cool de pouvoir partager avec eux. J'aime bien le faire, mais c'est compliqué. Voilà, il faut trouver le juste milieu pour pas péter l'immersion. Il faut pas non plus répondre à tout. Il faut pas négliger la partie. Le rôle de maître de cérémonie, gardien, maître de jeu, ce qu'on veut, c'est très engageant, ça demande beaucoup de concentration. Et si on n'est pas là à 100%, qu'on est à 40% avec les spectateurs, 60% avec sa table, ça le fait moins. Donc je pense que l'une des difficultés majeures aussi se trouve là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais aborder, en espérant que le maître de podcast Outsider trouvera où me caser, même si j'ai pas respecté à 100% le cursus, enfin la ligne directrice, on verra bien. Voilà, merci de m'avoir écouté et à plus tard. Alors, pour terminer très rapidement, petite réponse aux contributions précédentes. Donc, Guillaume Zanek appelait de ses vœux des jeux de Batronoban et du Milvaux en actual play. Donc, sur ma chaîne, il y a une partie de Mantra. Vous avez trouvé du Macadabre sur 2D6 plus cool. Donc, ça, c'est pas un jeu de Batro directement, mais c'est un hack d'un jeu de Batro. Du Milvaux, il y en a sur ma chaîne, il y en a sur la chaîne YouTube AngelDus JDR, une partie de Arbre notamment, et sur la chaîne Pilule Rouge, motorisée par Lamentation of the Flying Princess. Donc Homo Ludis, tout comme Romarie Briand, disait qu'on n'avait pas accès à l'espace imaginaire partagé dans les actual plays. Alors, j'ai envie de dire si on y a accès, parce que en réalité, si tu écoutes bien ce qui est dit, tu as les mêmes informations que les joueuses, donc tu as le même espace imaginaire partagé, quoi. Voire même si toi, tu écoutes de façon vraiment attentive, tu auras plus accès qu'une joueuse qui va peut-être être dissipée. Hein. Parce que tout le monde est. Enfin, il y a des actual plays qui ne sont pas professionnels, où c'est juste les gens ils jouent comme ça, puis bon, comme ils ont enregistré, ils ont diffusé. Hein. Donc ils ne sont pas toujours hyper focus sur le jeu. Hein. Noémie Rock parle aussi de. Quand il y a du jeu en ligne, en fait, c'est, les joueuses sont très multitâches, elles vont aller sur les réseaux sociaux tout en jouant et tout. Et effectivement, on peut dire que tu seras peut-être pas aussi attentif qu'une joueuse, parce que par exemple, toi, tu vas écouter l'actuel play bah, en faisant ta vaisselle et tout, et donc tu vas louper quand même des gros bouts de narration. Et puis le truc, effectivement, la différence fondamentale qu'il y a par rapport à une joueuse, c'est que bah, toi, tu peux pas demander des précisions au MJ, tu peux pas poser de questions et tout, donc t'as pas ce pouvoir de zoom sur l'espace imaginaire partagé que les joueuses ont. Homolysis déplorait l'absence de gros systèmes, donc on m'a fait savoir, bon ça j'en étais sûr, il y a plein de Donjons et Dragons et Pathfinder en actual play en anglais, hein. C'est même sans doute à mon avis ce qu'il y a de plus trouvable. Il y a aussi du Shadowrun en anglais, en français j'en sais rien, j'avoue que j'ai pas eu le temps de chercher. Rémi de Club JDR disait que le fait qu'il y avait de l'acting dans les actual plays posait problème parce que ça donnait une fausse image, voire même ça pouvait complexer les vraies joueuses entre guillemets. L'acting pose aussi problème quand ça tourne au cabotinage, par exemple le podcast JDR de Proxy Jeux où il y a le mec qui joue le nain Varoujar, il en fait des tonnes en fait, il arrête pas de crier Varoujar, Varoujar, le MJ ne peut absolument pas dérouler son scénario, hein. Enfin grosso modo pendant tout le podcast c'est juste du cabotinage de Varoujar, ça ressemble à une espèce de donjon d'Albuck sous acide. Donc après c'est rigolo, mais le truc c'est que si tu te retrouves à ta table des gens qui jouent comme dans Proxy Jeu, t'as intérêt à vraiment apprécier le jeu de rôle des connates, quoi. Une autre forme d'actual play qu'on n'a pas évoquée que je trouve très intéressante finalement, c'est où tu vois pas les gens jouer, mais en fait ils te font ils te racontent leur partie. Ceux qui font ça le mieux, c'est Histoire au coin du D20. Donc on salue nos deux amis belges Nurgle et Gilus, c'est vraiment génial, c'est super drôle, c'est génial. Les podcasts one shot de la cellule le font pas mal, même si Romaric arrête pas de dire non, on raconte pas la fiction parce que lui ça intéresse pas, mais finalement il la raconte quand même assez souvent, il la commente. Et puis je vais aussi signaler les retours d'XP de la chaîne YouTube OpenJDRI où ils font une partie et ensuite on écoute tout le débrief. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je m'en veux beaucoup parce que j'ai mal regardé mon temps, donc j'ai explosé le chrono. Toutes mes excuses, j'essaierai d'être moins bavard la prochaine fois. Allez, salut et j'ai hâte d'écouter les dernières contributions. Ciao! Ma plus belle action, c'est ma plus belle action, c'était au début, j'ai rien fait.